Bonsoir, moi c'est Cristal. Vous pouvez me retrouver au 3615 Showtime. J'écoute Actu Solite parce que j'aime prendre du bon temps. Tout le monde écoute Actu Solite. Actu Solite sur Indestar. Dinao. Bonsoir. Hey, bonsoir. Le problème c'est que tout le monde nous écoute. Hein, c'est. De quoi? Non mais avec le générique quoi. C'est... On se dit que on a tout public quoi. Je sais pas, mais en tout cas ça a fait rire en tout cas. Ça a fait rire clair. Ça a fait rire. C'est déjà ça. C'était rigolo. Peut-être que ça vous a fait rire aussi. On espère. Vous l'avez bien compris, ce soir c'est Actu Solite. Ouais, sur Indestar. Ah, tu voulais qu'on soit ensemble? Bah oui. Bah pardon, vas-y, refais. On le fait depuis 6 mois, j'étais s'il pas prêt. Plaît. Oui, mais c'est pas assez d'entraînement pour moi. Vas-y, refais. Vas-y. Voilà. Du coup, vous avez bien compris, ce soir on écoute Actu Solite sur Indestar de 21h à 23h à peu près. Voilà. Ah putain, j'étais synchro. Grave. Moi j'ai essayé. C'était pas mal, c'était pas mal. Tu verras au bout de 6 mois, tu seras aussi mauvais que moi. Et du coup, oui, nous avons Claire avec nous ce soir. Oui. Ouais. Bonsoir. Bonsoir Claire. Bonsoir. Comment tu vas ce soir? Très bien. Un peu stressée de passer à la radio vu que c'est une première fois, mais. Ouais, ça c'est clair. Ah, mais je t'avoue, ouais, nous ça fait. Claire, yes. C'est tellement facile. Non, je mais suis par contre, si tu le fais toute la soirée, c'est pas possible quoi. Ah, tu crois que c'est lourd? Non, ouais, tu le fais qu'une fois, c'est tout. Ah, d'accord. Ah là, t'as utilisé ton joker, c'est bon ça. C'est peut-être pour ça que tu sais, des fois avec les filles, au bout de 25 fois, elles se barrent. Je comprenais pas pourquoi, mais c'est bien de me l'expliquer. Ah là, maintenant tu sais. Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end? Eh bien, ce week-end. Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end? Merci. C'était passionnant, franchement, j'étais t'as passé pas préparé un bon cette histoire. Non, dimanche, j'ai profité du soleil, il faisait beau dimanche. Ouais, c'est vrai. Ouais, hein, je crois, hein, c'est ça. Ouais, ouais, dimanche il a fait beau. Oui, oui, on a vu dimanche il a fait beau. Et samedi, oui, je suis allé au travail en Solex. Ah ouais? Mm-hmm. Parce qu'il faisait beau. Donc j'ai pris mon Solex et je suis allé au travail. Ça roule à 25 ça? Ça roule à 30. Ah, attends. Quand même. Bon, quand il n'y a pas de montée, évidemment. Hein. Non, c'est. Je me prends un peu pour un kéké. Et ben moi j'ai été pique-niquer avec mon frère et ma soeur. Ah. Ok. Ouais. Où? À Vigny. Alors la sœur d'Amélie, c'est Anaïs, hein, on est d'accord, elle est juste à côté. Okay. Hein, c'est, voilà. Voilà. Avant, on était en famille, il y avait mon frère avant. Ah, trop bien. Et il s'est barré. Enculé. Enfin, vous restez quelque part en famille quand même, sauf que c'est une famille réduite. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En famille composée un petit peu. Ouais. Antoine, des fois, on est par téléphone. Parce que, voilà, il est loin, mais il est toujours près du cœur. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Mignon. Et oui, du coup, on a été pique-niquer. Et, après, moins glamour, on a été sur des tombes pour déposer du muguet. Ah bah c'était le 1er mai, ouais. Bah oui, un peu moins gay. Ouais. Un peu moins gay, tu vois, mais... J'ai une cliente aujourd'hui qui est venue. Enfin, elle t'a rapporté on dit du une utilisatrice, pardon. Elle vient chez moi et chez toi, donc. Enfin, chez moi, j'ai un bon boulot, ouais. Et elle me raconte, en fait, tous les derniers événements de sa vie qui ont été un enchaînement d'enterrements. Voilà. Elle m'a dit, ah bah regarde, elle m'a montré ses photos, elle m'a dit, ah bah regardez, ça c'est ma grande tante, elle a 104 ans, enfin elle avait 104 ans parce qu'elle est morte le mois dernier, ah, ça sympa. Et puis alors ça c'est ma cousine, ah, lui, ah c'est vrai qu'elle est morte il y a pas longtemps, ah là bah c'est, il y a pas autre chose. Ah, c'est super sympa, hein. Franchement des clientes comme ça t'en voudrais tous les jours. Hein. Ah bah elle avait l'air contente, elle, mais elle kiffe les enterrements. Ah bon. Ah, mais tu sais qu'il y en a qui sont comme ça, moi je connais quelqu'un à chaque enterrement, même ouais. Si elle connaît de loin ou c'est la famille de machin, d'un ami, elle y va quand même. Quoi. Mm-hmm. Ah ouais. C'est genre, l'occasion elle de se retrouver. Ouais, non, elle se balade. Tu vas quoi? Tu vas faire quoi aujourd'hui? Oh, bah j'ai un enterrement de quelqu'un, j'y vais tranquille, ouais. Ça va m'occuper 2-3 heures. Et puis planning voilà, de la semaine, lundi, enterrement de J-semaine, mardi. Oh putain, il est mort en même temps, putain, je fais comment? Aïe, ah oui, il faut se séparer en deux. Ouais, ça va être compliqué. T'envoies quelqu'un de ta famille. Au pire, elle fait une demi-heure à l'église là-bas, une demi-heure à l'église là-bas. Ah ouais, ouais, j'avoue, ouais. Du mi-temps. Ouais. Matin ou ouais, l'après-midi pour l'autre, quoi. Ouais, c'est ça, au pire, elle s'arrange avec la famille. Je... Non mais chacun passe les journées qu'il veut. Oui, hein. Voilà. On ne critique pas. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais si on peut rester sur un truc un peu plus gay. Hein, ouais, j'avoue. Comme par exemple le fait d'écouter Actu Solite. D'ailleurs, on peut écouter Actu Solite là en direct comme tous les mercredis, mais on peut aussi écouter Actu Solite en podcast. Oui. Ouais. Comment on fait? Et ben vous allez sur indestar.fr. Mm-hmm, par exemple. Voilà. Et moi par exemple, imagine j'ai 10 heures. Je peux? Ouais, bah, Spotify, je connais pas après moi tout ça. Tu connais pas tout mais ça. Mais moi je suis à la vieille époque, genre moi à part Indestar.fr, c'est bon. Toi c'est 3615 Indestar. Ouais, ouais. C'est ça. Ok, très bien. Non mais ça marche sur toutes les plateformes évidemment, vous pouvez nous retrouver ainsi que toutes les autres émissions de la semaine. Et bien sûr, si vous voulez nous appeler, vous pouvez nous appeler au ça, tu connais, 09 70 407 306. Non, ouais. Je le connais toujours pas. Non, hein. Tu connais pas le numéro de téléphone, mais tu sais que le téléphone existe. Oui, bah oui, je sais que. Et qu'il est gratuit. Et qu'il est gratuit. Il paraît que j'en ai un. Ah. Regarde, je peux même le bouger partout. C'est un smartphone. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai envie de jouer. Ok, et eh ben jouons. Voilà. Jouons et rentrons dans une nouvelle aventure, s'il vous plaît. Si vous le voulez bien, aventure. Ah là là. On la connaît tous. Que tu veux. Ah là là. Ah oui. Ah, ta nana. Non, c'est pas encore. Non, je m'en fous, j'attends le tintin. Ah ouais. Ah oui, oui. Ok, mais on attend. Hein. C'est long, hein. Ouais, ça fait très long, ouais. Attends, il arrive, il arrive. Un chevalier solitaire, dans un monde dangereux. Chevalier et sa monture. Weekend Night Rule vers de nouvelles aventures. Ah, voilà. Oui, alors vous l'avez compris, ce soir vous allez faire un bond dans le passé. Vraiment pour ça, tu nous as oui, fait vraiment, attendre vraiment, vraiment pour ça. Okay. Les années 80, c'était Michael Jackson, c'était Madonna, Dirty Dancing, La Boom MacGyver, Deux Flics à Miami entre autres, et K2000. Avec son chevalier solitaire, Michael Knight, ce beau gosse, et sa monture, la voiture qui conduit tout seul et qui parle, quitte la belle gosse. Voilà. Sur les 90 épisodes qu'on a pu voir à la télé, vous avez peut-être remarqué que Michael triomphe tout le temps. Cela dit, ils ont tourné 91 des épisodes. Oh. Mais le 91e n'a pas été diffusé parce que ça a foiré. Ah, ah. Et ça va être à vous de changer l'histoire ce soir et d'aider Michael et Kit à résoudre une nouvelle enquête qui sera pas gravée dans la roche. Dédicace à Sniper si nous écoute. Je vous ai garé la machine à remonter dans le temps devant la radio, donc vous n'avez plus qu'à aller voir Devon pour qu'il vous fasse part de cette nouvelle enquête et que vous résolviez cette nouvelle affaire. Mmh. Allez-y. Ok, on y va. Ok. C'était pas mal. C'était pas mal. Pas trop bien compris ce qu'il a dit le monsieur là. Non mais sans deck en même temps, moi je parle pas l'indien. Hein. On est où là? Ah, donc. En 1883. Je crois que c'est pas la bonne date non, là. On y retourne. C'est reparti. Ouais. Oh, un beau camion. Bah oui, bah c'est l'époque K2000 en même temps. Cette fois-ci... Oula. Cette fois-ci, on doit être sur la bonne époque, je pense. Tocon. Tocon, tocon. Ah, tocon. Bonjour, je suis Devon Miles. Et voici... Bonnie and Clyde. Non, juste Bonnie. Ah, vos jeux de mots. En fait, mais elle est la meilleure dans son domaine. Elle a des dessous magnifiques, la poulette. Ah, ah, j'ai le droit, on est en 83. Salut, Saboum, c'est Michael. Bah, enchanté, moi c'est Bonnie. Désolé, j'étais en train de régler l'injection monopoint. C'est moi qui vous ai la envoyé l'injection monopoint de K2000, de Kit. Oui. Bien sûr. C'est moi qui vous ai envoyé l'un des premiers mails de l'histoire. Parce que depuis le début de l'épisode, nous avons des soucis avec Kit. Dès qu'il passe près de la centrale nucléaire, ses circuits se mettent à disjoncter. Sur la dernière prise, il a failli envoyer Michael dans le décor. Ah merde. C'est embêtant. Ouais, c'était loin d'être top moumoute cette histoire. Alors si vous pouviez repasser me voir tout à l'heure, nous vérifierons un peu tous les circuits électroniques de Kit, des fois que vous serez passé à côté de quelque chose, que nous serions passés à côté de quelque chose. On a hâte, donc ce soir on est mécanicien. J'ai l'impression, hein, ouais. J'ai l'impression que vous allez devoir faire un petit peu de mécanique, non d'électronique avec Bonnie. Parce que j'allais dire, je sais même pas mettre de l'huile dans ma voiture, donc à un bout d'un moment, ça va être compliqué. T'as un bidon? Oui, mais j'ai peur de me tromper. Tu mets le bidon dans le réservoir? J'ai peur de me tromper. Imagine, bon. Je mets du lave-glace avec mon huile. Ça va pas le faire, tu vois. Non. Et vice-versa, tu vois. C'est marqué dessus, quand même. Oui, mais j'ai sais pas lire, tu vois. Je manque de confiance en moi. Bon, donc, Claire aussi, tu vas rejoindre l'aventure hein, ce soir. Oui. Tu vas aider toute la troupe d'Actu Solid, c'est-à-dire les deux filles. Ah, on est nombreux. Let's go. Non, et puis il y a Bonnie aussi. Et Michael, il a l'air sympa, Michael, hein? Ouais, un peu bizarre, ouais. Ouais, un peu bizarre. Un peu beauf. Et un peu beauf. Il y a Devon aussi. Devon, c'est un peu le grand patron. Hein. Si vous avez suivi les aventures de K2000. Je suis un peu paumé sur les aventures de K2000, mais oui. Bah, ça va te remettre dans le bain. Tu vois, autant l'autre fois, quand vous êtes parti chez. T'étais quoi? Le parrain. Ouais. L'ambiance était pas du tout parrain. Non, c'était électrique. Voilà. C'est... Alors que là, l'ambiance K2000. Ça pouvait ressembler. Ouais, enfin vite fait, hein. Ouais, mais vite fait, mais ça pouvait le parrain des années 40, ouais. Avec les filles qui faisaient un truc qui écoutaient Rihanna, c'était pas raccord quand même. Il y avait des petits anachronismes dans mais l'histoire. Ça, y a que toi, ça, qui le voit ou qui l'entend. Nous, on n'est pas très futurs. Si tu le dis, c'est tu le dis. Par contre, on sait chanter, enfin pas vraiment, mais on aime chanter. Oui, on aime chanter, mais on sait pas chanter, faut être honnête, hein. Donc Claire, si tu aimes chanter, on t'invite à rejoindre cette petite c'est le moment. Je chante très mal, mais en tout cas j'aime chanter. Nous aussi. Non, mais j'aime chanter. Je pense que quand elle va m'entendre, elle va dire c'est bon, je peux chanter easy. Je pense. Ah, c'est sûr. J'ai une voix de fou. C'est sûr. Le chant des migraines. Et un aspirine. 1. Ou peut-être 3 cette fois-ci. Anaïs. Non, ça va. Quel est le principe du chant des migraines? Alors, je vous explique. Ouais. Je vais vous proposer des titres de chansons spéciales année 2010. Et vous allez devoir me la chanter. Ok. Wow. Donc vous chantez directement, vous ne buzzez pas. Ah oui, surtout alors ça, oui, on rentre dedans. Mais on a un problème en sachant que Théo n'était pas né en 2010. J'étais mort déjà en 2010. J'avais fait mon propre enterrement. Oh, c'est horrible. C'est gay, ce. Et j'étais même pas présent. Pas comprendre. C'est horrible, franchement. T'étais même pas présent. À mon propre enterrement. Non, non, je m'étais absenté, j'avais autre chose à faire. C'est bête. Ouais. Bon, vous êtes prêts? Oui. T'as expliqué okay. un peu le but du jeu? Ouais, elle vient d'expliquer bon, le but du jeu. Mais elle a dit juste qu'on était dans les années 2000, non? Oui, non, elle a expliqué qu'il fallait chanter. Faut qu'on chante. Je vous donne les. Je l'ai dit, hein, non? Sans demander la parole à quelqu'un, sans lever le doigt. Ouais. Ah, attends, est-ce que j'ai dit que je donnais des titres de chansons? Oui, tu l'as bien dit. Bah, tu vois, t'es douté. C'est moi, j'ai eu un moment de. Ouais, t'étais absente. Ouais, je me suis effacée, ouais. T'étais sur répondeur. Vas-y, je suis. Attends, je note. Attends, je note. Ok. Parce que la semaine dernière, c'est moi qui t'ai. Tu dotes les points, pardon. Ouais. Ouais. La semaine dernière, tu la joues compète, quoi. Ouais, grave. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Bon, premier titre. L'horloge tourne. Ah. L'horloge tourne. Les minutes sont tournées. Et moi, je rêve. Ah non, il y a pire que moi. Non. D'arrêter le temps. Ok. Égalité. Franchement, je suis contente parce qu'elle a autant de rythme que moi. Oui, voilà. Moi, je chante mal. Égalité pour toutes les trois. Ah bah là, tous les trois, oui, oui. Et c'est vrai qu'on a trouvé pire que toi, du coup. Non, moi je dis, moi, je dis égalité. Ah. Si je veux, je pourrais faire bien pire. Oui, mais n'hésite pas. J'hésite pas. Les gens n'attendent que j'ai ça. J'ai pas osé, tu vois. Je me suis dit, bon, il y a Claire, ouais. Tu vois, c'est la première. C'est bon, vas-y, j'envoie. Allez, let's go, let's go. Vas-y. Deuxième titre. Elle me dit. Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, Mika. Une chanson que tout le monde aime. Oh Mika, alors mais je mets ça en soirée les gars, c'est trop stylé. Ah j'aime pas ça. Ah, je crois que vous l'avez dit en même temps. Ah je l'ai trop entendu en plus cette chanson quand ça passait à la radio en boucle. Genre je l'ai passé 3 fois dans l'émission cette chanson. Ouais, ça me. Mais pourquoi tu la remets pas? Mais parce que Ah bah non, on a plus le droit. Donc on a plus le droit, on pourrait prendre une reprise pour une des stars, mais non. Bah oui, non, grave. Mais non, clairement, non. Si, non, bah ouais. Si, parce que sinon moi j'arrête la radio ce soir. J'ai un chantage. Même maintenant là, tu vois. Ouais, voilà. Troisième. Ouais. En anglais. Ok. Oula. Diamond. She's like a diamond. She's bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Ça, ma soeur, elle me l'a fait apprendre par cœur en anglais, quoi. C'est vrai? Je te jure. Bon, en même temps, il y a 3 mots hein, dans cette chanson. C'est Kiki qui a le. Des diamants dans le ciel. Je crois que c'est toi. Ouais, moi. Quoi? Non. J'y étais aussi. En plus, t'as pas dit Shine Bright, t'as dit She's bright like a diamond. Bah oui, parce que c'est pas. T'es pire que moi, c'est Shine. T'es sûr? Shine. C'est pas. Moi je sais pas. Attends. Attends. Souvent elle a tort. Shine black, like non, c'est ça? Shine. Shine. Ah, ok. Là l'anglais. Attends. Ah, moi je suis nul en anglais. S-H-I-N-E. Hein? Shine. Alors attends. S-H-I-N-E. Mais si. Parole, Rihanna. Diamond. Diamond. Mais si, c'est Shine Black. Attends, enfin, attends, on va vérifier. Alors. Il t'a compris? Ouais, ok. Shine bright. Allez! Ok. Tim! Okay. J'ai raison. Pour une fois. Ouais, bah pas pour qu'une fois. Hein. Brillant ouais. Comme des diamants. Ouais. Ah, je croyais que c'était une musique que j'ai pas chanté. Non, c'est le non. Brillant comme diamant. Bon, la suite, les gars. Brillant comme des diamants. Fille. Que du coup, il y a plus de filles. Diamant dans le ciel. Ah, c'est génial. Quatrième titre. Tu peux te taire. Pardon. Radioactive. Radioactive. Radioactive. Ah, bah là, j'avais pas. Je l'avais. Oh, Théo qui l'a dit en premier. Bah ouais, je suis désolé. Putain. Je t'ai plumé. Mais moi, je perds là. Non, t'es à égalité avec Théo pour l'instant. Ouais. Ah. Il y a deux. Je crois que c'est la dernière. Mais tu perds quand même pour l'instant. Oui, c'est vrai. Dernier titre. Ouais. Voilà. Coup et blessure. Je porte plainte. Attends, oui, c'est ça. Attends, je porte plainte pour coup et blessure. Ouais. Elle l'a dit avant, vas-y, moi je laisse. J'étais à deux doigts. Ah oui. De finir fou de toi. Les bébés brûlent. C'est ça. Ouais. Après, j'ai plus. Les c'est bébés clair. Brûlent. Ouais, j'avais oublié. Enfin, c'est. Est-ce grave? Bah oui, c'est grave. Oh, mais t'es méchant. Ouais, ça, les bébés brunes, c'est pas mon enfance. Dans la chambre de mon père, je mettais le PC à fond et je dansais. Triste enfance. Non, arrête, je suis désolée, c'était trop bien. Je faisais des mini-booms. Ah putain, j'avais déjà 20 ans. Toi, tu dis ça parce que toi, t'es fils unique. Non. J'ai une sœur. Ah non, merde, bah bravo. Ah, la pauvre ça sera pété, répété, cette histoire. Oh, je te jure. Pardon, Estelle. Ouais. En plus, je connais même son prénom. Bah oui. C'est ouf. Et du coup, on a égalité avec, avec Claire et moi. C'est vrai ouais. Je suis en dessous. Ouais, t'as 2. Déprime. Ça fait déjà 2 fois. Que je perds. Oui. Mais ouais, mais je connais la chanson et ça sort pas. Et bah pour la peine, les chocolats qu'il y a dans le frigo, c'est pour Bibi. Oh non, laisse-moi un petit peu un Kinder Maxi quand même. Alors non, j'allais dire justement, je bouffe tous les Kinder Maxi. C'est j'aime pas toi. Les Smarties. Touche pas à ma souris, toi. Je veux la décaler, elle me gêne. Ok. Ah. Parce qu'on va écouter de la musique, c'est ça? Oui, mais pourquoi tu mets toujours des titres comme ça, les filles? Qu'est-ce qu'ils ont, les titres? Au pire, moi, je lance. Attends, je lance. First to Eleven. Qu'est-ce qu'il y a dans First to Eleven qui non, te gêne? Non, c'est la suite. Feel like you man, I feel like a woman. Tum, tum, tum, tum. Reprise de Shania Twain. Let's go, girls. Actu solide, 21h, 23h le mercredi, uniquement sur Indestar. Est-ce que tout le monde a vu ce que j'ai vu aux infos? Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. C'est qui le connard qui a pissé sur la planche? Ouais, c'est dégueulasse. C'est une bonne reprise, hein? Si c'est toi, j'espère que tu t'es lavé les mains. Sinon, c'est dégueulasse. C'est pas une reprise de Relsan, ça? Quand j'y pense, tu m'as serré la pince. Et ça, c'est dégueulasse. Ouais. Laquer une bombe sur un village, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas génial. Non, j'allais dire, limite, ça pourrait être pas trop mal. Limite, c'est d'actualité, quoi. J'allais dire. Non, je trouve qu'elle est pas trop mal, hein. Ça passe, hein. On a eu pire. Hein. Bon, bah non. Écoutez, c'est ce qu'on appelle de la YOLO musique. Donc, c'est des gens qui font de la musique. De merde. Et qui se disent. Non, mais ils se disent, bon, bah, c'est pas grave en fait que ça soit bien ou mal. C'est un peu comme nous quand on fait de la musique. Sauf que nous, on sait que c'est de la merde. Mais bien sûr, n'ayez pas peur, ne partez pas avec tout solide. C'est non. Maintenant jusqu'à 22-23h. Oui. Voilà, je te fais toutes les heures, minuit, une heure, on reste jusqu'à l'heure que tu veux. Jusqu'au moins 4h du matin, exactement. Surtout, attends, moment, je raconte ma vie. Hein. Ouais. Moment, je raconte ma vie. Tu sais, genre, je t'ai dit, demain, j'étais du matin et je t'ai dit, oh, fais chier un peu. Tu m'as dit ça? Non, mais c'est pas grave, fait-il que je t'ai dit ça. D'accord, ah ouais, c'est vrai, quand tu m'as dit ça, oui. Et en fait, j'ai mon patron qui m'a appelé tout à l'heure, il m'a fait « Ah, Amélie, du coup, on a une personne en moins, donc faut qu'on commence plus tard, donc je commence à 8h. Mm-hmm. » Donc c'est cool, je peux dormir demain, ce soir, demain, enfin bref, cette nuit. On a compris un peu l'idée, mais bon, c'était un peu flou tout de même. Donc ce soir, enfin bref, ce soir, on peut rester jusqu'à minuit, une heure, si vous voulez. Oui, non, moi, oui. Ça me dérange pas, mon réveil, il sonne qu'à 6h30. Oui, c'est moi, il sonne à 3h, donc on va éviter, merci. Ouais. Ah, tu surveilles les mômes Tu surveilles Bichette? Ouais. Bichette? Okay. Eh, Béchant. Bichette! Oh, il est mignon. C'est Bichette. Non, madame, par contre, c'est une heure importante parce que c'est un moment où on se retrouve, allez, on va dire 20 ans dans le passé, à une époque où il y a une animatrice de télé qui fait de la radio. Voilà. C'est un nouveau concept. Et sur un jeu, vous connaissez les questions pour un champion? Oui, ouais. Et ben nous c'est question pour un concombre. Voilà. C'est parce un niveau trop de en dessous. Tu vois. Voilà. Mais on assume. Alors, let's go. Mesdames, messieurs, elle est drôle, elle est sympa, elle vous enjaille chaque semaine sur Indestar et elle est enrobée de questions à vous poser. Amel pour question pour un concombre. Et vous aurez pu suivre le jingle là. Mais ils le connaissent pas. Mais non, vous le connaissez pas. Ah pardon, oui si. Oh putain, on m'avait tout cassé. Tu veux qu'on la refasse ? Excusez-moi, mademoiselle Amélie, j'ai été concentré dans la technique. Oui, Henri, bonjour déjà, Henri. Bah, bonjour, mademoiselle Amélie. Et je trouve ça très, très triste. Que je n'ai pas. Voilà. Si vous voulez, je peux le répéter 40 fois de suite. Si vous le souhaitez. Hein. Ça va être long. Au moins ça. Mais on verra ça après. Ah, pendant la musique. Oui, parce que là, on n'aura pas le temps. Là, d'accord, très bien. Bon, je comprends, mademoiselle Amélie. C'est vous qui décidez, mademoiselle Amélie. Vous me coupez un peu la parole en non, ce moment, je Henri. Je ne voudrais pas, mademoiselle Amélie, surtout. Question. Question pour un concombre. Un jeu de drôlerie. De... Bah voilà, je vous avais dit que je buguais toujours un moment. Un jeu de drôlerie et de funitude. Mmh. Un petit mot sympa, je ne sais pas si ça existe, mais je te l'ai mise comme ça. Ça passe bien, ça passe crème. Henri. Ah, oh bah tout à fait, mademoiselle Amélie. Vous êtes la meilleure, mademoiselle Amélie. Est-ce qu'on. Oui. On va commencer par la présentation des candidats. Tout à fait. Nous avons Robert avec nous. Robert, 66 ans, il collectionne depuis plus de 30 ans les étiquettes de fromage et on l'a même contacté pour mettre sa collection dans le musée Lactée. Ah, Lactée, Lactel, fromage. Ah ouais. Bon, jeu de mots, mademoiselle Amélie. Bonsoir Robert. Bonsoir. Franchement, belle voix Robert. Hein. Belle voix Robert. Encore très séduisant pour 66 ans. Nous avons Lisa avec nous. Lisa, tu as 16 ans, c'est ça? C'est ça. Et tu as été élue il y a peu Miss Moche. Ça, c'est un peu moins séduisant. Et quand on voit ta tête, on se dit tu es simplement mérité. Oh, merci. Je vous en prie. Je connaissais pas trop, mais... Et nous avons Anna avec nous. Anna, 34 ans. Et il paraît que tous les samedis, elle passe plus de 6 heures à vouloir éclater les boutons de son copain. Belle activité de familiale. C'est une activité comme une autre, écoute. Il y en a que ça déstresse, tu sais. Ouais, c'est satisfaisant, tu vois. Vous parlez en connaissance de cause, mademoiselle Amélie? J'en ai pas mal aussi. Ah non, je pensais à cette activité de... ah, le non, week-end. Elle est gros dans le dos là, tu les éclates sa mère. Et du coup, à gagner ce soir, Henri. Eh bien, vous allez gagner pour l'un ou l'une d'entre vous, ce qui aura accédé à la troisième manche et celui qui aura gagné cette troisième manche, un radiateur neutre. Alors, le principe du radiateur neutre, c'est comme un radiateur, sauf que quand vous mettez le chauffage, ça reste à la même température. Donc, le radiateur ne sert strictement à rien. Ah bah, ça fait joli quand même. Oui, oui. C'est vachement bon un radiateur. Franchement, tout le monde kifferait avoir un radiateur chez soi. Bah, en déco, c'est pas mal. Oui, c'est, non, mais c'est pas mal, tu le poses dans un coin. Et ça peut servir un peu de porte-manteau ou tu le redécores un peu. Oui, on peut faire des radiateurs habillés. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre des, je sais pas, des en chocolat sur le radiateur, ça ne fondra pas. Oui, c'est un avantage aussi du radiateur neutre. Hein. Oui, c'est ça. On passe directement à la première manche. Alors, je vais vous poser trois questions avec trois propositions de réponses et à vous de m'écrire en quelques secondes la réponse sur l'ardoise. Et vous jouez dans Question pour un con-con. Ah non, mais voilà, Henri, j'étais pas encore dans les temps. Non, mais par contre, je vous suivais, mademoiselle Amélie. Oui, c'est bien, Henri. C'est bien, en 6 mois, tu l'auras fait une fois dans les temps. Non, un an, s'il te plaît. Première question. Une étude a montré que se regarder les yeux dans les yeux pendant longtemps peut avoir des effets indésirables. Ça peut en particulier entraîner, deux petits points à la ligne, petit a, une cécité partielle, petit b, des maux de tête, ou petit c, des hallucinations. Donc A, B ou C, vous notez sur l'ardoise. Et comme à l'école, vous tendez les ardoises. Je donc, pense que là, on peut... Ah bah écoutez, Henri, on a Henri, du A, du B et du C. Donc forcément, la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est Lisa qui l'a, c'est des hallucinations. Ça fait penser au truc optique, là. Pas. Tu sais, les trucs qui tournent, là, que tu regardes trop longtemps, et t'arrêtes, et ça tourne, et ça tourne. Je vois. C'est... Bravo Lisa, vous avez un point, en tout cas. Optique, non. Ouais, des hallucinations optiques. Non, c'est pas ça, c'est des... Ouais, je vois. Merci de nous avoir éclairé d'une définition scientifique, mademoiselle Amélie. Ouais. Alors là, faut que je dise un mot compliqué. Alors, question numéro 2. La garde suisse pontificale. Mm-hmm. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh, mais le pape. Hein ? Le pape. Bien sûr. Forme la plus petite armée du monde. Pour l'intégrer, il faut, petit point à la ligne, A, mesurer moins d'1m80, petit B, être célibataire, ou petit C, être diplômé en histoire de l'art. C'était des gardes de quoi ? Des gardes du pape. Ouais, Suisse. Suisse. La plus petite. Quoi ? C'est quoi cette histoire ? De quoi ? Non, le pape suisse, c'est un nouveau pape. Non, mais le pape à l'armée suisse. Ça veut rien dire. Mais enfin bref, c'est la garde rapprochée du pape, okay, en Suisse. Ok, bon. Voilà. Alors. Eh ben, on a dit A, du B et du C. Donc, Henri, nous avons la bonne réponse. Oui. Vous auriez dit quoi, vous, Henri ? Eh bien, j'ai pas suivi les réponses, mais j'aurais dit la B. Ah, bah, c'est ça. C'est être célibataire. Vraiment ? La B, ouais. C'était Robert. Ah ouais. Bah, je pense que, en fait, je viens de comprendre, vu que c'est le pape. Oui. Forcément. Bah oui, il faut pas être marié. Ah bah ouais. Tu vois, je viens de comprendre le sens de ma question, tu vois, maintenant. C'est pas mal. Je m'instruis, moi, dans la question pour un coup. Je sais pas vous, mais moi. Vous aviez cherché pontificat avant, en même temps. Attention, petit 3. Question numéro 3, par contre. Comment s'appelle l'espace entre les deux sourcils ? Ou sourcils, comme vous voulez, les trucs que vous avez au-dessus des yeux. Ça marche pas chez tout le monde, remarquez, hein, mademoiselle Amélie, parce que des fois, ils n'existent pas. Ouais. Moi, je sais. Des fois, t'as qu'une envie de prendre une pince à épiler et arracher. Alors, petit A, le filtrum. Petit B, l'entre-sourcil. Hein, on dit bien entre-jambes, donc entre-sourcils, hein, on est plus à ça près. Et petit C, la glabelle. C'est un bien joli nom, la glabelle. Ouais. Bah, en fait, du coup, je sais pas. Alors. Nous avons du C, du A à du C. J'allais écrire. Ouais, j'ai failli dire, nous avons encore trois questions. Alors, on a deux fois du C. Et bah, c'est bien la C. C'est bien la C. Glabelle. Et moi je perds, dis donc. Et bah. Je crois que vous avez bien perdu pour. Oui. Anna, non, moi, malheureusement. J'avais le nom des rides là. Ah, ok. Que l'on appelle. Ah oui. Truc des lions, je sais pas quoi, non La ride du lion. Lion. Ouais, c'est ça. Ride du lion. Bah, je pensais que t'allais. Je cherche une ride, mais elle s'appelle le lion, c'est quoi ? Bah, la ride du lion, merci Anaïs. 2 points pour Robert, 2 points pour Lisa, 0 pour Anna. Anna, comme on dit chez nous, vous rentrez brocouille. Ah, voilà. Je sais pas. C'est une expression bien de chez nous. Il nous a sorti ça il y a 2 mois de ça, tu nous as sorti même ce mot en ça. Et ça rappelle évidemment l'expression des inconnus dans le sketch des chasseurs. Ah, mais je connais pas ça. Eh ben, c'est un bien beau sketch pourtant. Et du coup, Robert et Lisa, on passe à la deuxième manche. Et oui, il ne me reste que deux candidats et je vais vous poser trois questions, mais cette fois-ci sans proposition de réponse. À vous de buzzer le plus vite possible pour me donner la réponse. Et vous jouez dans Question pour un con-con. Presque. C'était presque imparfait. Là, vous étiez à deux doigts, mademoiselle Amélie. Donc, tout aussi simple, Henri, comme tous les mercredis, vous me trouvez un buzzer Robert, quelle est votre onomatopée préférée? Et déjà, il faut savoir ce que c'est un onomatopée. Ouais, un son bizarre. Y a-t-il quelque chose que vous aimez crier quand vous remportez une victoire? J'ai cru que vous alliez dire quelque chose, Henri. Bah, n'importe quel moment, ça peut être l'apothéose. Hein. Youpi. Youpi. Alors ça, c'est original, ça, bravo, Robert. Et bah, vous crierez youpi avant de donner votre réponse, d'accord? Voilà. Quant à vous... Comment? Glouglou. C'est moche, hein? Glouglou, bon, très bien, ça passera pour cette fois. Donc glouglou pour et Lisa et youpi pour Robert avant de donner la réponse. Sinon, la main est à l'autre personne. Voilà. On peut perdre des points dans cette histoire, c'est déjà arrivé à certains de mes candidats. Attention, première question. Combien de temps dure un match de foot? Glouglou. Oui, 90 minutes. Waouh! Sauf s'il y a des prolongations, évidemment. Hein. Oui, bien sûr. Pause à 45 minutes. Parce que vous connaissez, vous. Il ne faut pas écrire sur l'ardoise. Ah là, non, là, mademoiselle Amélie, elle a donné la consigne. Il faut dire youpi et donner la réponse. Voilà. voilà. Question numéro 2. Quelle est la capitale du Luxembourg? Youpi. Glouglou. Ah, youpi d'abord. Rapidité. Qui est? Luxembourg. Bravo. Vous êtes un as. Le point est donné. Je répète. Non mais je donne les réponses parce qu'à chaque fois vous mettez 3 heures. Moi j'en peux plus. Question numéro 3. Combien Blanche-Neige a-t-elle de nains? Glouglou. Youpi. Ah, c'est en même temps qu'on fait. Comment on fait? Et ben, pierre-feuille-ciseau. Un pierre-feuille-ciseau. Okay, voilà, okay. C'est pas mal aussi. Attention, pas le pluie. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est très radiophonique cette histoire. Voilà. Un, deux, trois. Pierre-feuille-ciseau. On a du pierre et du ciseau. Bah, il a gagné. Il a gagné. Bon, trois manches. Alors, Robert. Attends, il m'a pas donné la réponse. Alors, Robert. 7. 7. Et bah, bravo. Nous avons un gagnant. Mais tu n'as pas encore gagné le cadeau. Il faut répondre à la troisième. Oui, mais par contre, Lisa. Voilà. Vous rentrez brocouille à la maison. Au revoir, Lisa. Ciao. Alors pour la troisième manche, pour gagner ce superbe cadeau qui est un radiateur, merci. Tu vas devoir trouver le mot qui se cache derrière cette charade et tu auras pour ça 30 secondes. Bonne chance. Merci. Au revoir. 30 secondes, le chronomètre est lancé pour trouver la charade qui suit. Elle est simple. Attention. Mon premier est un petit cube ayant des nombres inscrits sur chaque face. Le bois se transforme en mon deuxième si on le met dans le feu. Mon tout est l'inverse de mon T. Qui suis-je? Ah oui. Un D. Alors attention, il faut le mot complet. Hein. Ouais, j'ai donné deux mots et qui doit te... Ouais. Deux syllabes. Vous pouvez répéter le tout? Mon tout est l'inverse de mon T. Bah, descendre. Descendre, c'était la bonne réponse. La première, à le D. De la fin. Le deuxième, le cendre, ça fait descendre. Voilà. Mais... non, mais faut le dire. Hein. Franchement, j'ai eu un doute. Hein. Je savais pas trop. Merci, Henri. Et du coup, il repart avec ce bâton. Eh bien, oui, radiateur. Évidemment. Bravo, Robert. Vous repartez avec le radiateur neutre. Ça tombe bien parce qu'on en avait plus besoin dans le studio. À bientôt et n'hésitez pas à rejouer. Hein. Surtout, vous vous inscrivez, évidemment, on le rappelle, sur Minitel 3615. Question pour un concon. Et grâce à ça, on arrive à enlever plein de trucs du studio. Exactement, hein, on est pur un peu dans cette émission. Et merci à tous d'avoir participé. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux candidats et de nouvelles questions dans Question pour un concon. Mademoiselle Amélie, je serai là, évidemment, et je serai avec vous pour passer un excellent moment. Ouais, vous me lâchez pas, vous. Non, mais ça, je ne vous lâche pas, effectivement. Juste après, oui. Je recto verso, on retourne à K2000. Ah oui, et un bien beau jeu, une enquête. Pourquoi cette voiture déconne-t-elle devant les trucs nucléaires? Et c'est ça, et surtout pour sauver un épisode, parce qu'on rappelle que jusqu'à maintenant, ils ont tourné 90 épisodes, ils ont dépensé du budget pour le 91e, mais ça ne fonctionne pas à chaque fois qu'ils s'arrêtent devant la centrale nucléaire, ils comprennent pas pourquoi. Donc à mais vous... à... Ah, ça c'est Gomard. Ah, ça c'est Gomard. Ah, ça c'est Gomard. Ça c'est les gens, et on connaît tous. Bah, les gens, on les connaît bien. Et sur Indestar, bien sûr. Vous n'imaginez pas tout ce qu'Actu Solide peut faire pour vous. À vrai dire, nous non plus. Indestar. J'allais dire un café, Georges. Ah non, c'est pas celui-là. Ah ouais, c'est sûr. Ah non, c'est pas celui-là. T'es non. sûr. Je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Un café, Georges. Non, What Else avant. Bah oui, c'est la pub avec comment il s'appelle, le vieux là. Georges Clooney. Ouais, c'est ouais. ça. Le beau gosse. J'allais dire Yves Clooney. Beau gosse, enfin, ça, pour ancien le peut-être beau gosse, non? Oui, ancien. Ouais. Bah après, pour un... il est pas si mal bah que ouais, ça pour son un bel homme quand même. Il est conservé. Bon, d'accord. Ça se conserve bien tout ça. Ouais, c'est comme les boîtes. C'est comme les boîtes. Mais con, de vous l'avez compris, ah, oui, Indestar, c'est jusqu'à ce soir 23h ouais. à peu près parce qu'on est déjà un peu en retard. Indestar, mais c'est pas des grave. Blagues. Indestar, c'est du rire. D'ailleurs, si vous avez une blague à la con à nous raconter ou je sais pas, peut-être réagir avec nous ou nous raconter votre vie, on s'en fout. Nous, il y a un numéro de téléphone. Voilà. Dis 09 70 407 306. Et c'est. Je répète. Et c'est 09 70 407 306. C'est gratuit. Non. Gratos le matos. Voilà, merci. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à composer est-ce ce numéro de téléphone. Est-ce que t'entends la lassitude dans ma voix? Voilà. Ouais, t'as vu comment je suis obligée de la forcer quand même? C'est incroyable ça. Ah, moi, si je veux pas le dire, tu me forces pas? Non, on va pas s'embrouiller. On n'est pas là pour s'embrouiller. On est là pour résoudre une enquête. Mais non, je rigole. De la plus hein haute importance. Alors, on a Claire quand même ce soir hein, dans le studio qui va vous aider parce que. On a besoin de toi. oui, je sais pas si je vais. Je pense que oui. Après, j'ai pas envie de faire la blague. Est-ce que c'est Claire pour toi? Parce que bon, tu vois. Ah, c'est... Oui, non, non. Après, j'ai maintenant, dit... je suis rodée. Hein, je... Ouais, j'avoue pense, que ouais. depuis bah du coup j'ai longtemps 22 ouais voilà, depuis et du coup ça fait 22 ans que t'entends ça presque 22 ans ouais. Et dis-toi que c'est pas ça, fini ça me fait rire c'est maintenant. Pas fini avant c'était un peu chiant quand j'étais petite m'étonne. Ouais c'est toujours un mais peu chiant mais maintenant ça me non s'y ça me gêne pas ça c'est transparent mais moi je c'est le fais l'habitude. Arrête ta blague de merde ah ouais. Il a dit quoi? J'ai dit c'est transparent, c'est plus que clair, c'est transparent. Ouais, ah, c'est clair. C'est clair. Ouais. Vois, genre, mais y a que moi qui t'ai compris quand même. Ben oui, ouais. J'avoue. Non, j'avais pas entendu moi. Ouais, tu m'écoutes pas. Non, mais c'est vrai, il y a des moments, je suis en mode. Là, tu vois, j'étais en train de penser. Ouais, toi aussi, t'étais sur répondeur à ce moment-là. Grave. Ouais, on comprend. Bon, là, il va falloir être attentif, les enfants, parce que retour dans les années 80, retour chez K2000, hein. Avec Gal Knight. C'est bon, t'es bien. Bien belle enquête. Allez, ah. C'est parti. Et je te rappelle, Anaïs, tout à l'heure, il y a l'autre qui nous a dit d'aller la voir. Respecte un peu Devon, par contre, c'est Bonnie. Il a dit que c'était la meilleure. Et Mickaël, il a dit qu'il avait des beaux sous-vêtements. Ah, super. Bah, c'est important. Bonjour Bonnie. Ah, attendez. Ah, voilà. J'étais en train de vérifier là où il y a des soudures de kit avant de me pencher sur la MDEC. Ah, je croyais vous pendiculer. Non, pas du tout. Ça veut dire s'étirer. Ah, d'accord. Elle me l'a sortie il y a pas longtemps cette semaine. Mais j'écoute Actu Solite dans le futur. Si vous pouvez m'aider, on gagnera un petit peu de temps avec une équipe de spécialistes comme vous pour régler Kit. Ça vous va? Ouais. Alors, faut que je relance l'alimentation à découpage. À quelle fréquence ça va être haché? Par contre, je me rappelle plus. Je sais plus si c'est entre 500 et 1 kHz. Entre 1 à 10 kHz ou plus de 20 kHz. J'irai la deuxième. De 1 à 10 kHz ouais. La troisième. La première. En fait, ou peut-être les trois. Si tu peux jouer avec quelques réponses, des fois ça passe. Bah, vous êtes la deuxième, dire. Moi je dirais aussi. La deuxième. Ouais, parce que j'aime bien mieux. C'est pas la deuxième. La non, première. C'était la troisième. Ah, c'était la troisième. Oui. C'est plus de 20 kHz. Ouais, mais d'un côté, il faut passer par les 0,5 jusqu'à 1, tu vois. Donc tout. On va ajouter un interrupteur différentiel entre le processeur et le tableau de bord. Ça va permettre d'éviter les fuites de courant, la surtension ou la variation de tension. On dirait la variation. Première. Les fuites de tension. Attends, on est jumelles, on est d'accord, on n'est jamais d'accord. La première. Oui, c'est la première, évidemment. Hey, j'ai eu bon. Hein. Ah, j'ai un premier anneau bleu sur mon condensateur. Ah, pardon, mon condo, comme on dit entre spécialistes. Hein. Évidemment. Mais je me rappelle plus à quel chiffre ça correspond quand il est bleu. C'est 1, 3 ou 6 3 1 6 Ça va être long. Il va falloir se décider. Je sais pas. Entre le don. Vas-y, responsabilité vas-y, à toi. Vas-y, allez. Son père. 1. C'était 6, hein. Oh non. Je l'avais dit, je suis dégoûtée. Je suis si nulle. On va changer ce condo aussi, là. On va prendre un E3 standard. Vous connaissez les valeurs? Est-ce bien que sûr. C'est 12, 22, 56 10, 22, 47 ou 12, 33, 56? La deuxième. Ouais, la deuxième, ouais. Ah bah oui, c'est 10, 22, 47, vous avez raison. Ouais, mais on est ça, trop forts. Vous êtes balèze, hein. Ouais. Ah, un petit transformateur. Pardon, un transfo. Un transfo MOSFET canal N avec ses trois petites pattes. Vous savez comment elles s'appellent les pattes? Tiens, trou. Trigger, base et drain. Émetteur, base et collecteur. Ou grille, drain et source? Grille, drain et source. Oui, c'est la bonne réponse. Ah. T'avais l'air. Tu savais? Non. Ah ouais, mais en fait, j'ai remarqué que quand on est. Genre, on affirme et tout, et ben on peut avoir raison. Ah ouais, c'est ça. c'est le pouvoir du mental. J'essaye la prochaine. Allez, vas-y. J'arrive sur le processeur auxiliaire. C'est peut-être là qu'il y a un problème. Hein. J'ai un LM700-905, que je vais changer d'ailleurs. Il sert à quoi? Est-ce que c'est un régulateur de tension en moins 5 volts? Un régulateur de tension en plus 5 volts? Ou c'est un compteur asynchrone? Alors, on attend ta réponse. La troisième! Non, la deuxième. Mais non, c'était le régulateur de tension en moins 5 volts, la première. La prochaine. Essaye-toi après. On va vérifier ça. Alors, je vais prendre mon oscilloscope fétiche. Je l'ai baptisé Ovule, parce que je suis une femme. Je sais qu'il y a une fonction qui permet d'éviter que l'onde se répète sur l'écran pour qu'on puisse l'avoir nette et fiable. Vous connaissez son nom? Est-ce que c'est le freeze? Est-ce que c'est le déclenchement? Ou est-ce que c'est la syntonisation? La déclenchement. Le déclenchement, évidemment. Ouais, vous avez raison. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit ovaire, peut-être enceinte, déclenchement de. C'était ovule, hein, mon. La perte des os. Voilà. Okay. Je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas s'il y a eu toute cette réflexion dans l'électronique. Mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, vous m'avez sauvé la vie, même si vous avez quand même des défaillances. Je le dis. Je vous laisserai. Qu'est-ce qu'on peut ? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser vérifier si ça fonctionne avec Mickaël. On va croiser les doigts. De mon côté, je vais vous envoyer le rapport de réparation à Devon. J'aime bien cette. Je vais l'envoyer par mail. Cette nouvelle touche qu'on a ajoutée sur mon clavier dernièrement pour utiliser le protocole de transfert IMAP et POP. C'est la touche AT. Voilà. Vous en France, vous dites arrobase, je crois. Enfin, c'est bizarre, mais bref. Je vous souhaite une bonne balade et j'espère que vous n'allez pas tomber en panne. À très vite. À très vite. Salut. Elle est bizarre cette dame. Cette Bonnie ? Ouais. Ah, oh, Bonnie, c'est Bonnie. Elle a une voix très bizarre. C'est vrai qu'elle a. La prochaine fois, j'avais pas ce souvenir dans la série, mais. Elle est un peu chelou. Mais j'ai l'impression que plus ça va, plus on monte de. Et là, vous étiez à un doigt de perdre quand même. Oui, bah on a gagné, principal. Ouais. Mais en même temps, en vrai, je connaissais rien du tout. Bah ouais, moi non plus. J'avoue que si vous étiez pas calé en électronique, c'est ça, compliqué. Moi je suis vraiment. Mais même en étant calé à l'électronique, il nous sort des mots, lui. C'est que des vrais termes. Et tu sais quoi, mon oncle, il est garagiste. Mm. Je vais l'appeler, je vais lui poser le quiz. Ah bah si tu veux. Ouais. Bah, il est garagiste, il est pas électronicien non plus. Hein. Ouais, attention, on rappelle que Bonnie, elle est plus que garagiste. Hein. C'est elle qui utilise tous les circuits de kit et qui programme, etc. Elle est au level, attention. Ouais. Juste après, en faire tout un Anaïs. Il va falloir que je prenne ma guitare. Ah, un jingle de fou. On attend plus son jingle que autre chose. Ouais, mais même moi, je veux juste entendre le jingle. Je vais peut-être rajouter l'harmonica avec. Ça sera un combo. Et puis après, comme d'habitude, on enchaîne. Sur un dico dingo. Le principe du dico dingo, il y aura un mot dans le dictionnaire. Moi, je vais finir par une pub à force de bugger. Tu bugs ? Voilà, je dis plus rien. Vas-y, finis. Ouais, on écoute de la musique. On écoute quoi ? On est. Forever Young Remix. Undressed. C'est gratuit. Forever Young. Tu veux rappeler la chanson ? Je sais plus qui chante jeune ça. Jeune pour toujours. Forever. C'est jeune pour toujours. Oui, ouais. Et t'as pas fait ton taf ? T'as pas regardé qui c'est qui avait fait ça ? Ouais, ça va. Oh. C'est ton taf, c'est pas le mien. C'est le tien, je suis désolée. Non, bah c'est toi qui fais ça. Enfin, en tout cas, c'est un remix, c'est sur Indestar et c'est kiffant. Voilà, c'est sympa. Actu solide sur Indestar, il y en a pas deux. Et c'est pas plus mal. Et heureusement. Bon, ça va. On est insupportable. Encore ce soir, on est. C'est soft. C'est soft, hein. Ouais, je trouve qu'on chante pas comme. Pas encore. On n'a pas encore vraiment beaucoup chanté, mais là, regardez, si vous êtes sur Twitch, si vous avez cliqué sur le petit lien violet, si vous êtes sur indestar.fr, vous nous voyez en vidéo. Et là, vous voyez une guitare. Vous voyez même là, ici même, un harmonica. Ce qui fait qu'il y a de la chanson dans le coin. Tu vas essayer de jouer. Alors, sachant que je ne sais jouer ni de la guitare ni de l'harmonica, faut le préciser hein, quand même. Si vous dites, tiens, il y a un musicien dans le studio, non. Non, parce que je crois que la guitare elle est même pas, comment on dit, accordée. Voilà. Alors, attends, c'est le seul mot que je sais pas, vous allez me dire les musiciens, ça c'est une note. Une autre note. Ou c'est moche. Une autre note. Une autre note. Attends. Une autre note. Une autre note. Ah, ça va quand même du plus grave au plus aigu. Non, le troisième peut passer. Refais le troisième. C'est là ? Ah, non, c'est le quatrième. Essaye le cinquième. Non, en fait, rien ne va. En fait, rien ne va. Voilà, bon, dis-moi quand t'es prêt. Ah oui, pardon. Je vais te mettre la petite. Tu veux mettre un verbe. Donc c'est toute une Anaïs, hein, c'est ça. Ah voilà. Ah. Ok. Ceci te convient-il ? Pourquoi moi je l'ai pas, moi ? Parce qu'il y a que moi. Parce que c'est moi le meilleur. C'est parti, jingle. Allez. Le mercredi soir, j'écoute Indessar. Mon petit grain de maïs, c'est bien Anaïs. C'est nul. On va pas en faire. Toute une nana is. Toute une nana. Toute une nana is. Avec moi. Toute une nana. Avec moi, il y a que toi. Toute une nana is. Toute une nana. Toute une nana is. Solo. Mercredi soir, j'écoute Indestar. C'est pas du cannabis, c'est juste Anaïs. Tout une nana, tout une Anaïs. Tout une nana, tout une Anaïs. Encore, tout une nana, tout une Anaïs. Tout une nana. Tout une Anaïs, c'est pas du réglisse. Bon, j'arrête là. Merci, c'était tout pour moi. C'était pas mal. Ah bah oui, ça fera c'est, un tube. C'est mieux que la semaine dernière. Mais vas-y, tu gueules de trop, on m'entend même pas. Je sais, c'est fait pour. Ah. Je cache ta voix. Tout a été calculé. Voilà. Alors, quel est le principe de toute une Anaïs? Je vais vous proposer trois expressions françaises. Mm-hmm. C'est à vous... Enfin... Soit faudra deviner la suite de l'expression, soit faudra me donner la signification de l'expression. D'accord. Je respire. J'espire. Vous êtes prêts? Oui, la première c'est quoi? La première, je vous laisse deviner la suite de mon expression. Ok. Okay. Avoir la taupe qui... chatouille. Alors attends. Non. La taupe qui... creuse. Chips. Non. La taupe qui... voit mal. Ouais, je... oh, putain, j'ai dit pareil aussi. La premier indice... c'est un verbe. Uh-huh. Qui meurt. La taupe, c'est... attends, comment ça peut être un verbe? Ah oui, la suite. Oui. Attends, vas-y, redis. La taupe qui... avoir la taupe qui... qui... pend. Qui... non. Qui dit... non. Qui fait... non. La taupe qui... j'ai que deux indices, donc trouve. Ah ouais, vite, ouais, toi. Non, mais c'est vas-y, compliqué. Vas-y, donne hein. Un indice. Deuxième indice, c'est un synonyme, ah, c'est quoi, du verbe de taper. La taupe qui tape, mais façon mais non, familière. On a dit... qui tabasse. Ah, ça pourrait. Non. Tarniole. Qui... non. Qui... qui claque. La taupe qui... avoir la taupe qui... la taupe... la taupe... alors c'est une expression française, non. Et il faut essayer, ah, de deviner la suite. Ah, c'est une expression française. Ouais, ouais. Deviner la suite. Avoir donc, la taupe, c'est avoir la taupe qui... donc premier indice, c'est un verbe, la suite. Ok. Et c'est un synonyme du verbe taper. Et c'est façon... la taupe qui frappe. Ouais. Qui quoi? Qui frappe. Ah bah c'est familier, frapper. Bah oui, tu frappes. Ah bon. Bah c'est ouais, familier dis, quand même. Non, tu dis taper d'accord. Ou... d'accord. On est d'accord, c'est familier. Avoir la taupe qui frappe. C'est en gros avoir envie de faire caca. Quoi? Ah, super. Avoir la taupe qui frappe. Bah, ok. C'est pas mal, ça, franchement. Je trouve. On le saura. Tu sais quoi, la prochaine fois, j'ai envie de faire caca, je te dirai, oh, j'ai la taupe qui frappe. Non, mais t'es pas obligé de me dire, vraiment. T'as plein d'expressions comme ça, je suis tombée sur un site de caca. Non, il y a des sites. Non, en vrai, ils donnaient plein d'expressions pour faire caca, etc. Tu vois. Oui, bah, bien sûr. Et t'as des expressions qui sont assez drôles. Faudrait essayer. C'est pas mal ça, j'ai la taupe qui frappe. Ouais. Deuxième expression, cette fois-ci, il faut trouver la signification de l'expression. Okay. Être en odeur de sainteté. Ah bah si. Être en odeur de sainteté. Je connais. Être en odeur de sainteté. Ah, alors, faut pas que je me plante, mais être en odeur de sainteté, c'est genre être bien vu. Ouais, en quelque sorte. Ouais. Ah, ok. Être admiré par les admiré, autres. Ouais. Ah, moi j'allais pas dire ça, j'allais dire sentir bon. Parce qu'il y avait odeur. Ouais. C'est pour ouais, ça. Faut se méfier de ça. Vrai, moi j'allais dire un mais peu n'empêche... comme toi. T'allais dire comme moi. J'allais dire genre c'est quelqu'un qui est bien, qui est sain, quoi. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais là c'est. Ouais, non, pas trop. Ouais, non, t'es en odeur de sainteté en ce moment. Et c'est... toi, soyez pas jaloux. Et quand les saints ils mouraient, ils sentaient bon. Non, mais pour de vrai, ils sentaient bon. Ouais. Et ça signifiait qu'ils avaient une belle vie et qu'ils étaient admirés par les autres. Ok. Donc voilà. Okay. Si tu peux, t'es pas admiré, quoi. Ok. Ok. Troisième expression. Yoyoter de la touffe. Yoyoter de la touffe. Sentir de la fouffe. Non. Oula, non, moi je vais dire un truc, mais je suis pas sûre que ça soit l'âge légal. Si je peux. Si tu peux, il est 22h. Alors 22 tu peux heures. Tout. Ah, je peux. Oui. Il est 22h pile. Okay. Bah, c'est moi, vraiment j'ai... plus. Moi j'ai pensé à un cunilingus. Non, aucun rapport avec le sexe. Ah, d'accord. Okay. Alors, un indice. est-ce que tu peux redire l'expression yoyoter de la touffe? Alors yoyoter pour moi c'est faire un effet de va-et-vient, non? Mais c'est du yo-yo. Oui. Mm-hmm. Okay. Ok. Premier indice, esprit. Esprit, ah ouais. Esprit dans la tête. Ok. Ok. Ah, perte de mémoire. Non. Cogiter. Pas vraiment. Pas vraiment. Cogiter. Ah. Non. Être en pleine réflexion. Être attentif, pas attentif. Non, il n'y a pas d'esprit. Être déconcentré. Deuxième indice, à côté de la plaque. Mm-hmm. Ah. Être à côté de la plaque. Ouais, c'est perdre un peu la tête. Ah, genre Alzheimer. Ah, bah je l'ai dit, j'ai dit perte de mémoire. Oui, bah ouais, voilà. Mais là, c'est pas vraiment la même chose, être à côté de. C'était quoi? Perdre un peu la tête, c'est pas vraiment. Si. Genre, c'est. En fait, ça a plusieurs. Il y a une autre signification. Ah, non. Péter une durite. Ah, bah c'est pas pareil, péter une durite. Il y a deux significations. Ah bon? C'est péter. Moi, c'est quand tu t'énerves, genre tu pètes un câble quoi. Ouais, c'est ça. Tu pètes une durite. Ouais. Ouais. C'est plus en termes mécaniques ça. Ouais. Enfin, câble aussi, remarque. Oui. Esprit un peu K2000. Ouais. Oui, quelque part. Voilà, okay. Bah c'est tout pour moi. Ah bah c'est tout pour toi. Je m'attendais à une. Il y en a trois. Je m'attendais à une quatrième, un bonus, un truc, tu vois. Et puis quoi encore? Ah, avec le jingle qu'on a eu, on pourrait s'attendre quand même. Tu veux que je refasse. Non, c'est bon. Ok. Suite alors. Ouais, on n'a pas le choix. Le dico dingo, c'est le dico dingo. Le dico dingo, le dico dingo. Ouf ouf. Le dico dingo, le dico dingo. C'est le dico dingo. J'avoue que je l'assume de moins en moins. Bah oui, pourtant c'est toi qui l'as initié ça, parce que moi personnellement j'étais pas fait. Oh, dico dingo, tu vois. Super, ouais, je l'assume plus. Ah, tu l'assumes plus maintenant, hein, pour moi la valise. Le ouf ouf. Bah, le dico dingo, c'est simple, je vous pose un mot, vous avez juste à deviner le mot. Si vous n'y arrivez pas, j'ai trois indices. J'ai okay. Bien fait mon taf. On s'instruit, hein, c'est le moment instruction hein, dans ouais. Actu Solite. Hein, Alors, premier mot. La culture. Adhérer. Adhérer. Adhérer. Ouais. Je connais admirer. A-D-I-R-E-R. Adhérer. C'est comme admirer, sauf que t'as oublié une lettre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Aduler, j'allais penser à aduler, mais en fait, ouais. C'est pas du tout. Adhérer. Y a-t-il un indice? Premier indice, échapper. Ah, c'est une échappatoire. Oui, bah, c'est pas grave. Elle l'aurait donné non, le mot. Non, c'est quoi, t'as plusieurs solutions. Elle a pas dit qu'elle allait dire le mot. Non, mais t'as plusieurs solutions et puis tu choisis pas la bonne. Adhérer. J'adhire. Fuguer. Non. Non. C'est un peu dans le même esprit. C'était okay. Quoi l'indice déjà? Échappatoire, oui, pardon. Échapper, non. Échapper. Échapper, deuxième indice, entreposer. Adhérer. Entreposer. Voilà, je vois pas le rapport entre les deux indices. Troisième indice, ranger. Ah oui, bah alors là, d'accord. entreposer, ranger, ok, mais. Échapper. Échapper. Et moi, j'ai mis synonyme du mot, il m'a donné les mots. Non, mais d'accord, je veux bien, mais adhérer. Mais là, je me suis dit, attends, échapper, entreposer, ranger. Oui, d'accord. Mais échapper, je vois pas, mais entreposer. Si, pourtant, je me suis dit échapper, c'est le plus simple. D'accord, alors c'est ce qui se rapproche le plus, ouais. Adhérer. J'adhère, c'est quelque. Ah, tu fais pas le malin là. Non, j'ai pas l'idée mec, en vrai. Adhérer, ouais. J'adhère. Mais moi, j'adhère souvent, si tu veux. J'adhère. Est-ce que vous voulez la définition? Bah, ouais, je crois. C'est pas. Attends, une proposition. Fuir. Mais c'est pas moi qui ai trouvé. Fuir. C'est pas. Non, ouais, non, c'est pas ça. Ça ouais. Non. C'est perdre et égarer quelque chose. Ah, d'accord. Ah, okay. Genre un objet. Ah oui, ranger, du coup, j'ai rangé, mais j'ai. Ah oui, okay. Adhérer. Ah bah, okay. Ça, j'en ai besoin, du coup. T'adhérer. Voilà, j'adhérer. Je passe ma vie à adhérer mon téléphone portable. Ah, ouais, c'est ça, on peut dire. Ouais. Le premier qui me fait un jeu de mots avec allumette sur le prochain, c'est allumelle. Allumelle. Oui. Ah oui, avec Amélie. Non, Allumélie. Nul. Allumelle. C'est pas vraiment trop loin. Allumelle. Est-ce qu'il y a quand même un principe d'allumer quelque chose? Non. Non. Pas du tout. Allumelle. Quoique dans le principe. Ah. Non. avoir une illumination, genre une idée d'un coup. Non. Oh. Ah. Premier indice. Oui. Métaux. Ok. Métaux. Donc c'est un métal alors. Peut-être. Est-ce que c'est un métier ou pas? Non, c'est un métal, on t'a dit. Banane. Mais un métier avec du métal. Un métier au singulier, au pluriel, un métaux. Alors, est-ce que c'est du fer? Ouais. Ouais. Inoxydable? Non. C'est pas ce qu'il me dit. C'est du fer à repasser. c'est du. Non, mais c'est. Du fer à cheval, écoute, hein. Allumé. Du fer au mode. Deuxième indice, transformé. Ah. Ah bah il a été chauffé. Donc c'est un objet. Enfin, c'est un objet en fait. En fer. Ok, d'accord. En et fer. Pour faire quoi Et pas pour taper sur le fer. Non. Est-ce que c'est une déco? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un objet genre utile qui sert à, okay, à construire ou ouais. Une épée non. Qui sert non, quoi pas, une troisième épée. Indice, bah. Peut servir à manger. Ah, une fourchette. Non, autre. Un couteau. Voilà. C'était quoi, un couteau? C'est une lame de couteau. C'est du fer qui a été délié. Ok. Alors, j'ai dit épée. Est-ce qu'on n'est pas trop loin? Non, parce que tu manges rarement avec une épée. Très rarement, moi. Alors, pas l'habitude à manger, elle va arriver avec son katana. C'est ça. Tu peux nous redire le mot juste? Allumelle. Allumelle. J'ai. Ah, mais ouais. Non. Je sais pas, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ce mot. Normalement, le troisième mot. Vous l'avez peut-être entendu déjà. Ok. C'est Bolivar. Bolivar. Ah oui, tu nous l'as déjà sorti, non? Bolivar. Bolivar. C'est un mélange d'Olivier et de Bouvard. C'est pas drôle. Ah, mais peut-être que je me dis c'est peut-être ça. Je t'ai laissé une seconde sans rien dire pour que tu te sentes un peu con, tu vois. Non, moi c'était une seconde pour me dire peut-être que c'est la bonne réponse. Non. Non. Quelqu'un de. Je sais pas, moi je pense un adjectif déjà. Oui, oui, je suis d'accord. Genre quelqu'un, avec Claire. Je sais pas, quelqu'un un peu fou. Un peu Bolivar, ouais. Ouais, un peu. T'es Bolivar, hein. Ouais. Et bah pas du tout, le premier indice c'est un objet. Ah, ah bon? Ah merde. Un Olivar. Ah, c'est une sorte de vase? Non. Un grand vase, hein? Non. C'est un objet. Sorte de... Est-ce que ça contient de quelque chose? Non. Cet objet, non. C'est un objet de déco? Non. Ah non. Ah. C'est un objet utile? Ça peut être utile. Ah, ça peut être utile. Dans la cuisine? Non. Salle de bain? Salle de bain? Non. Ça peut être dans la salle de bain? Deuxième indice, accessoire. Ouais. Ah, de beauté. Une brosse? Non. Est-ce que c'est un truc pour mettre dans les cheveux? On a dit dans la salle de bain ou pas? Oui. Ah. Non mais t'as dit. Vous me perdez là avec oui non, non, non oui c'est, non. Ouais. C'est validé dans la salle de bain? Non. Ah non, c'est pas un salle de bain. Dans le salon. C'est sur quelqu'un? Oui. Ah, ah oui. Est-ce que c'est une pince? Non. C'est une ceinture. Des lunettes. Pas loin avec la pince. Ah ah. Ah un chouchou. Non. En gros, ça se met sur la tête quoi. Un serre-tête? Non. Une barrette? Non. Qu'est-ce qu'on met sur la tête? Un casque? Un chapeau? Oui! Un chapeau! Ah un olivard! Un chapeau olivard! Un beau olivard! Un beau olivard! Ouais. C'est un chapeau un peu creusé, tu sais, en haut. Ah oui, ça y est, je vois le chapeau. C'est une forme de chapeau. Voilà. Ok. Voilà. Ouais. Et quand il est moche, est-ce que. C'est... Okay. C'est un... Non mais c'est nul putain. Non, tu vois, t'as marché quand même, hein. J'ai pas compris moi. Bah beau un Bolivar et un moche libar. Un moche libar, je sais pas quoi. T'as voulu vraiment l'entendre donc quelque part. Je regrette un peu du coup. Tu connais Tchiran? Bah oui, oui, bien sûr. Shape of you. Là je suis en train de me dire qu'on a rien préparé pour tout à l'heure. Ah oui. Ah, je me suis dit déjà. C'est vrai qu'on a des expériences après. Ouais, et ça va être un peu fait à la Wallagan Beast to Fly. Hein. D'accord, très vas-y, bien. Vas-y, ils ont l'habitude. Avant, on écoute. Oui, pardon. Ah, on écoute Sarah H qui reprend Shape of You d'Ed Sheeran en français. C'est bien, c'est une des stars. Passe le fun autour de toi. Actu solide sur Indestar. Vous êtes sur Indestar, vous êtes dans Actu solide. Et c'est un moment. Un temps fort de l'émission. Mais un temps pas vraiment préparé, n'est-ce pas, les filles? On peut se recaler sur le canapé tranquillou. Exactement. Alors si vous êtes sur indestar.fr, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit bouton Twitch, donc le bouton violet qui vous permet de nous voir. Alors là vous me dites bah oui c'est de la radio, pourquoi on voudrait voir l'équipe? Eh bien parce que il y a de l'expérience qui se prépare. Ils ont préparé deux expériences. Oui, deux expériences, des petites tables avec dessus il y a quoi? Il y a une bassine, il y a de l'eau. Alors il y en a une, il y a bassine, bouteille d'eau, ouais, et sopalin. Ok. Essuie tout parce que Sopalin c'est la marque. Oui. La deuxième c'est du liquide vaisselle avec une bassine avec de l'eau et du poivre. D'accord, et vous allez faire quoi avec ça? Eh ben on va l'expliquer à fur et à mesure. Très bien. C'est ça. On joue les mini Docteur Bactéry. Ouais ouais ouais. Parce que le Docteur Bactéry en plus je l'ai reçu en personne il n'y a pas très longtemps en studio Indestar. C'est vrai qu'il t'est venu, il avait fait cet honneur de venir dans les studios Indestar. Ouais. C'était alors, parfait. C'était parfait, oui, exactement. Surtout pour Antoine, hein, il s'en est pris plein la tête. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'expérience alors, que vous allez est-ce faire? Est-ce qu'on commence par celle-là? Ok, d'accord. Donc, nous avons une bouteille d'eau remplie vraiment à ras-bord, au maximum de chez Maximum. Ok. Amélie va mettre un bout d'essuie-tout par-dessus. Okay. Donc on voit déjà que ça va se décoller. Voilà, parfait. Bah, oui, parce qu'en fait le principe de l'essuie-tout, alors c'est censé enlever un petit peu d'eau. Mais et normalement, on va mettre la bouteille, on va la renverser dans le saladier, mais c'est censé ne pas se renverser. C'est pas possible. Okay, on va la retourner et c'est censé. Voilà. Pas possible cette histoire. Mais Théo, n'aie pas peur pour le studio. Non, mais ça va. Space. Justement, j'ai vous êtes dans la salle d'à côté. Un saladier en dessous. Hein. C'est pas un saladier, c'est une bassine. Ça. Oui, bah c'est pareil. Okay. Pas les moyens d'avoir un saladier. Allez, alors vas-y, retourne ta bouteille de Schweppes là, dans la bassine, et c'est censé faire un bouchon. Et bah. Ah, ça a un peu tenu. Ça marche pas tenu. Du tout. Non, attends, ça marche combien sur les 2 secondes, tu feras ralentir. Mais même ça pas 2 secondes là, c'est ça a tenu un quart de millième de seconde. Vas-y, réessaye s'il te plaît. Je veux que tu réessayes. Et attends, 2 secondes. Ah, il faut que tu remettes la bah oui, on va remettre. Forcément, il faut que ça soit rempli à fond. Faut vraiment que vous ayez une bouteille, c'est-à-dire. Ah, c'est vraiment là, c'est vraiment. Parce que attends, ça sert à quoi? Parce que t'es à vélo. Bon, tu dis, ah non, on a perdu le bouchon. Mais il faut vraiment que ta bouteille, faut pas boire en fait dans ta bouteille. Mais pourquoi déjà tu ferais ça en vélo? Bah, je sais pas, à quel moment t'as besoin de remplacer ton bouchon? Mais pose pas de questions, juste on fait l'expérience. D'accord. Allez, on retente l'expérience, tu mets ton essuie-tout dessous. Non, mais ça a craqué. Tu vois, ça marche pas. C'est Attends, de la merde. Hein. Ça a marché en millisecondes. Non, c'est un fiasco. Tu mettras sur. Oui, mais on mettra, ouais. Bon. Expérience numéro 2, vas-y explique-nous. Mais je sais pas en quoi consiste cette expérience. Nous avons une petite bassine bleue. Ouais. Bleue. Est-ce que vous voyez là? Bah moi je vois, je suis en train. Oui, donc t'as une bassine. Ok, qu'est-ce que tu es en train d'ouvrir? Attends, elle est en train de découvrir un poivre. Attends, voilà, tu retires et là tu vas mettre du poivre dans une bassine d'eau. Ok, vous entendez? Non, ça se tient de ce côté-là. Ah, c'est marrant. Tu cuisines un peu chez toi? Un peu d'ASMR, s'il vous plaît. En fait, Théo, on va pas manger chez Anaïs parce qu'en fait, c'est clairement, elle te sert pas de poivre. Elle assaisonne pas en fait. J'aime pas le poivre, moi. Non, mais nique pas tout mon poivre, c'est mon mien. Tu mets du. Attends, c'est quoi? Du liquide but, vaisselle maintenant. Elle se met du liquide vaisselle sur le doigt. Sur le doigt, une ok. Très petite noisette. Une très noisette, noisette de liquide vaisselle sur les doigts. Un peu plus d'une petite noisette. Là, on a une bonne noisette si quand même. Si je pose mon doigt sur le poivre, le poivre est censé se disperser sur les côtés. C'est rigolo. Ok. Ça vaut le coup de niquer la moitié de la bouteille de poivre. Hein. Je tiens à dire, c'est pas mon idée. C'est mais... vraiment l'idée d'Anaïs. Hein. Ouais. Pour une fois, bah, avec ça, idées, vous allez. En fait, on s'est rendu compte, Théo, que ces idées n'est pas géniales. On est d'accord que par rapport au docteur Bactéry, on est largement un cran en dessous. Hein. Et ben moi, je dis, parce que juste après, il va y avoir. Du sport. Pour raconte-moi une histoire, ce sera un peu plus tard. Oui. Moi, je propose que lui qui perd dans raconte-moi une histoire boit un shooter d'eau poivrée. Ah non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Lui qui perd dans Raconte-moi une histoire. Lui qui perd, ouais. Ouais. Celui qui perd dans Raconte-moi une histoire doit boire un shooter d'eau poivrée. Ah putain. Et ça se trouve, ce sera moi, on sait pas. Hein. Sachant que Claire, tu joues aussi. Hein. Oui, c'est exact. Donc l'eau poivrée. Est-ce que tu as déjà essayé ou pas? J'aime le poivre, ça, y a pas de problème, mais j'avoue que je le mets que dans mes plats, normalement, pas dans l'eau. Et je ne bois pas de. Bah, ça sera une première. Voilà. Peut-être première que ce sera pas moi d'ailleurs. Peut-être, on peut le rajouter. La chance du débutant, ça peut arriver. Moi, je le sens comme ça, c'est vrai. Et là, comme vous l'entendez, Anna Free, ouais. Memories sur Indestar, j'adore cette chanteuse, j'adore cette musique et j'adore Indestar. Oui, j'adore. Passe le fun autour de toi. Actu solide sur Indestar. C'est violent après la musique d'Anna Free, on s'est pris une putain de claque dans la gueule. J'avoue que le jingle est. Ouais. Allez, réveillez-vous les gars, c'est l'ambiance Actu solide, c'est Indestar. Ouais. On a l'habitude, vous avez l'habitude à force de nous entendre, hein, je pense. J'espère. À moins que ça soit la première fois et à ce moment-là, vous découvrez l'émission, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ces 2B? C'est une tous les mercredis soirs. Mais voilà, vous allez vous attacher à nous un bout d'un moment. C'est vrai. Faut persister. On s'attache. Et on s'empoisonne. Ouais. Christophe Maé. On n'avait pas de chanter là. D'habitude, on n'avait pas de chanter là aujourd'hui. Christophe Maé, il était en train de la taille. C'est le printemps en même temps. Ah Maé. Ah oh, punaise. Ah elle était facile celle-là. Elle était aussi facile que Claire. Hein. Non. Le prénom, le jeu de mots là. C'est Claire. Ah oui, ok. Des fois, il nous balance des blagues et dès que la musique elle passe pendant les blagues, il fait non mais vous m'avez pas compris. Vous êtes sérieux? Non mais je suis un incompris hein, quelque part. Hein. C'est Et c'était blagues, elles sont pourries aussi. C'est peut-être ça aussi. Faut te remettre en question. Je suis un incompris. En fait, mes blagues sont bien, mais pour un certain public. Donc toi. Non, moi. Oui. Voilà, je suis le fervent défenseur de mes propres blagues. Voilà. Et nous, on retourne faire une enquête un peu plus sérieuse ce soir. Alors, je rappelle l'enjeu quand même, parce qu'il y a un enjeu. Alors, il n'y a pas un enjeu de meurtre hein, pour le coup, mais il y a un 91e épisode de Kid K2000, hein, série phare des années 80, qui se joue parce qu'ils ont essayé de tourner l'épisode et ils n'ont pas réussi parce qu'il y avait des problèmes. Voilà. Donc, des problèmes qui sont liés apparemment au fait que Kid, quand elle s'approche d'une centrale nucléaire, elle coupe. Elle disjoncte. Et pourtant, Bonnie. c'est la meilleure, hein, mais elle a tout fait pour que Kit fonctionne et ça fonctionne toujours pas. À vous de trouver pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc vous avez un premier indice? Oui, at, @. At, ok. At. Oui. Bon, bah, c'est pas grand chose, c'est deux lettres hein, pour le coup. At. Il va falloir retourner dans les années 80, c'est parti. Kiki. Bon, Bonnie, elle a dit qu'elle. Tu permets? Bonnie, elle a dit qu'on allait faire un tour dans Kit avec Mickaël. Oui, bon, bah, c'est pas non plus un tour de manège non plus. On est censé vérifier ce qu'elle nous a dit de faire en fait. Bah, ouais, mais tu me proposes une voiture qui parle et un chauffeur beau gosse, moi j'y vais, hein. Oui, mais en même temps, c'est Anaïs, quoi, hein. Bonjour Mickaël. Eh, hey, salut, ça boum. Allez, embarquez les poulettes, je vous emmène à la centrale. Bonjour Mickaël. Ah. Bonjour Amélie. Bonjour Anaïs et toute l'équipe. On va emmener ces demoiselles Kit en espérant que tes circuits tiennent le coup. Direction la centrale. Et mets-nous du Johnny. Désolé Mickaël, Bonnie n'a pas réparé mon système de guidage par satellite. Par contre, je mets ta cassette préférée de Johnny Hallyday. Ah, super. Ah, j'ai les glandes quand même. Bon, c'est pas grave, c'est vous qui allez faire le système de guidage, hein. Vous allez me donner la direction à prendre et roule ma poule. C'est parti mon Kiki. Que la bagole. Oh, j'adore. Allez, on est dans la région de Denver. Alors, je vais au nord, ça veut dire qu'on monte vers l'état du Montana ou l'état du Texas? Montana? Non, je sais pas. Ben oui, c'est le Montana, évidemment. Ah, okay. Texas, c'est au sud. Eh ouais, ok. je vous laisse faire, hein, parce que la géographie... Qu'est-ce que je prends? Je prends la 25 ou la 34? La route, hein. La route, comme on dit chez nous. La 34? La 34, bah non, c'était la 25. Bah. 25. Je la connais bien celle-là. Ok, on passe par Cheyenne, par Douglas et par Colby ou par Casper? Colby? Casper? Qu'est-ce que Colby ou Casper? Les deux? Colby. Ah non, c'était Casper. Ah. Alors à Buffalo, je prends au nord, ouest, direction Banner et Sheridan ou à Claremont et Sport Halls? La première. Banner et Sheridan. Ouais. Ouais, bon, on va tenter par Banner et Sheridan, c'est parti. Plus qu'à prendre la 90s vers l'est et faire 825 miles. C'est-à-dire qu'on en a pour 12h19, quoi. Allez, quand même. C'est long, hein. Ouais, bah, relax, Max, hein, on a Johnny, hein, quand même. allez, je mets Kit en automatique, ça nous laisse le temps de s'échanger nos numéros. Et voici ma carte, vous demandez David à Seloff. Oh, c'est mon nom, mon vrai nom, pas celui de la série. N'hésitez pas, mademoiselle, hein. Okay. Bon, si je puis me permettre, je vous laisse continuer votre route, les filles, hein, parce que vous en avez un peu pour longtemps. Parce que si j'attends que vous rentriez au studio pour faire le troisième jeu, je pense qu'on aura terminé l'émission. Ouais, donc, ouais, je vous laisse aller direction la centrale. Et puis pendant ce temps-là, moi, je vous prépare de la musique sur Indestar, Tyler Ward avec Girlfriend. Et puis nous, on se retrouve évidemment pour connaître le dénouement de cette affaire. Vous avez un indice, les filles? David, d'accord. On a David et on a hâte. Ouais. On est d'accord? Oui. Bon, restez là pour la suite de l'enquête sur Indestar. Actu solide sur Indestar, quoi d'autre? Enfin, what else? Bah, un café, Georges. Ouais. Ça va swinguer sous les t-shirts, danser ni bar, bander slibar. Alors? Soyez gonflés. Tu veux pas nous mettre plus fort? C'est les flirts. Ouais. Pour dénuder. Alors c'est qui chante ça? Gildor. Le fameux Gildor qui chante aussi, je le rappelle, on est bien dans son maillot de bain. Ah, c'est lui? Et c'est le même. C'est quoi après? On a nanana. Ouais, c'est exactement ça. C'est celui qui chante aussi liberté, égalité, fraternité, sodomisé. Sympa. Ouais. Sympa. C'est bof. C'est bof. Et le chercheur d'orgasme aussi fait. Ah, avec ouais. Que des films de cul, que des. Non, trucs. Pas que. On est bien. Ah si, quand même. Ouais. C'est vrai, j'avoue. Mais ah, bon, oui, bah, c'est un sacré bonhomme. Ouais, c'est un sacré phénomène. C'est comme, un sacré comme phénomène. Nous d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais vous l'avez compris avec Tusolid, sur Indestar. Oui. C'est maintenant. Jusqu'à. Bah, c'est maintenant. On y est depuis au moins une heure et demie, mais voilà. 1h35, les gars. Merci. Et combien de secondes? Et oh, peut-être 9 5. Secondes. Non, on a commencé. Tu as l'heure toi aussi de ton côté? Bah oui, bien sûr. Okay. Je sais que par exemple le prochain titre, ça va être Mozambo. Oui, mais d'abord, on est sur la partie un peu plus calme. Ah oui. On aime bien se calmer. La partie détente, c'est peut-être le moment où vous allez dans votre lit. Le moment où quand on veut pas savoir ce que vous faites dans votre lit. Le moment quand vous étiez petit, il y avait votre maman ou votre papa qui arrivait avec un livre à la main pour vous raconter une histoire qui vous endormait. Voilà. Tout point final. Je m'attendais à un autre truc. Et bah figurez-vous qu'on perpétue la tradition puisque nous avons des histoires à vous raconter. Sauf que ces histoires, mais d'ailleurs comme celles des mamans et des papas quand vous étiez petits, des fois elles sont vraies, mais des fois elles sont fausses. Voilà. Bon, c'était l'histoire des contes, hein, mais à vous de deviner si ces histoires sont vraies ou fausses. Voilà. On compte les points parce qu'il y a un enjeu ce soir. Un shooter de poivre. Un shooter de poivre. D'eau de poivre. Pour le perdant. Voilà. Ça va des fois, d'eau de mer, nous on balance un eau de poivre. Exactement. Donc peut-être Anaïs, peut-être Amélie, ou peut-être Claire qui va boire. Et toi aussi. Ah, c'est vrai, moi aussi. J'avais oublié ce détail. Sachant que Claire a un avantage quand même, parce qu'elle ne raconte pas d'histoire. Donc elle a un point. Donc elle a un point qu'elle peut gagner. Hein. Ouais, j'avoue que. Tu peux commencer le mien ? Favorisé. Je peux commencer ? Vas-y, bah, du commence. Du coup, t'étais pas là, tu sais le principe ou pas, Claire ? L'histoire est-elle vraie ou est-elle fausse ? Ah, ok, d'accord. Voilà. Ok, tout à toi de deviner. Ok, d'accord. Ok, moi, mon histoire. Ouais. Elle se passe à Londres. Mm-hmm. Et depuis longtemps, il existe le championnat de vers de terre. Effectivement, c'est considéré comme un sport. Oui, mais tu peux le faire que dans un pays où il pleut beaucoup. D'ailleurs, il est très prisé dans leur région. Hein. Les Anglais adorent ça. Oui, parce qu'en Afrique, ça marche moins bien. Et bien sûr, il y a plusieurs techniques pour arriver à en capturer. Et moi, vu que je suis gentille, je vais vous en donner quelques-unes. La canne à pêche, genre ? Non, première technique. Ouais. Le plus basique, remue la terre. On l'a tous fait. Oui. Tu remues dans le fumier de cheval, tu regardes ça, c'est pas... Pour ça, il faut avoir des chevaux. Oui. Deuxième indice. Astuce, pardon. Mm-hmm. C'est jouer un instrument de musique. Ah. Ok. Il paraît que... ça, tu sais, comme les cobras, ça sort un peu d'accord. La terre. Genre tu joues de la flûte et là t'as les vers de terre qui sortent. Et la dernière astuce je vais pas vous en donner trop parce que moi j'aimerais bien participer aussi. Je me dis un sport, tu fais du sport? Ouais, je vais chercher des vers de terre les gars. C'est vraiment du sport de feignasse. Et la dernière astuce, c'est de danser sur une planche en bois sur un thème musical. Mais quoi? Pas n'importe quel thème musical. Qu'est-ce qu'il raconte? Star Wars. D'accord. Est-ce vrai ou est-ce faux? Moi je dis vrai. Quoi? Mais genre tu danses sur Star Wars, ça fait venir les vers de terre? T'es sérieuse? Tu crois qu'elle serait capable d'inventer un truc pareil? Bah, pourquoi pas? Justement, tu peux te faire avoir. Claire, tu dis moi, quoi? Moi je dirais faux. On a faux, ouais. Faux. Anaïs, tu restes sur ta position? Enfin, oui, non, moi je reste sur ça. Oh, j'hésite. Allez, vrai ou faux? Je garde ma première idée. Eh ben, c'est vrai. Oh, vrai, ah bah ouais. Non. Mais si, je l'ai écrit avant. Non, mais non, j'ai pas dit faux. Je crois qu'on a vraiment peur d'avaler du poivre. Non, non, et vraiment, non, j'ai pas dit faux. Non, mais ça veut dire. Non, j'ai pas peur du poivre maintenant. Non, après. Ah, d'accord, super. J'ai encore deux chances. Attends, oui, pour l'instant, t'as juste perdu une fois. Non, j'avais vraiment dit vrai. Donc, vous pouvez pas demander. Si, t'as dit faux! Non, j'ai pas dit faux! Mais tu lui as dit, tu crois vraiment que c'est faux? Bien sûr que j'ai dit ça, mais j'ai pas dit que c'était faux. Mais est-ce que c'était pour me tromper? Oui. T'as vu ou pas? Il y a toujours un moment où on s'engueule pour les résultats. Alors attends, ça c'est Théo, ça c'est Claire et ça c'est Anaïs. Merci. Et moi je joue pas moi. Bah si, oui. Parce que là tu jouais pas. Ok. Mais elle était pas mal ton histoire, non? Elle était pas mal. Et d'ailleurs, attends, petite. Vas-y. C'est une petite fille de 10 ans qui a gagné ce championnat cette année. C'est très bien. Et je crois que, si je m'en souviens bien, elle a réussi à choper 567 vers de terre. Mais je sais plus en combien de temps. Et tu fais quoi avec ces vers de terre? Bah, tu vas à la pêche. Non, mais une fois que tu les as pêchés. Ah là, oui, pardon. De quoi? Ok, non, tu vas d'abord à la pêche au vers de terre mais pour ensuite rien, pêcher à la pêche. Peut-être qu'après, ils les mettent dans un jardin, oui, c'est bien, oui, ça, oui, ça, met, ça met de l'oxygène oui, dans la terre. Oui, ça tourne la pelouse, oui. Ouais, tout à fait. Attends la pelouse. À mon tour. À ton tour. Moi, mon histoire, elle se passe en Lettonie. Mm-hmm. Donc, il y a quelques années, les gendarmes avaient découvert des courses illégaux. Non pas de voiture, mais d'ours bruns. Oui. Et donc, c'est illégal dans le fait que c'est illégal. Oui, non, t'as dit des courses illégaux. Une course, c'est une course donc c'est illégal. Oui. Autant mais même moi. Des courses illégales. Oui. Je joue pas sur les mots. Donc comme je vous disais, c'est pas des courses de voitures mais d'ours bruns et donc c'est illégal dans le fait que c'est une espèce protégée. Mm-hmm. Donc les gendarmes ont pu arrêter toutes les personnes concernées, donc ceux qui organisaient les courses, les braconniers qui cherchaient les ours dans la forêt. Ceux-ci ont été relâchés dans la forêt lettonne qui recouvre 52% du pays. Moi je dirais vrai. Ouais. Vrai pour Claire? Ouais. Moi je dirais faux. Alors, faux pour Amel. Attends. Bon, dépêche-toi, on n'a pas toute la nuit. Ouais, t'as dit faux. Je dis vrai. Ouais, tu crois ? Ouais. Non, elle est fausse. Ah, elle est fausse ? Je m'en doutais, je me suis dit. Tu vois, au début, je me suis dit, ouais, Anaïs, elle invente jamais rien. Donc, je me suis dit, c'est peut-être vrai. Bon, j'avoue, et c'est les 52% là. Je me suis dit. Jamais, ça c'est un piège. Enfin bref, je me suis compris. Bah oui, parce que plus tu mets de détails qui sont vrais, oui. Parce que c'est vrai, hein. Bien sûr. Enfin, du moins c'était il y a quelques années, parce que j'ai repris l'histoire d'il y a 2 ans. Ou plus, ou plus c'est absurde, plus les gens ils se disent ça peut être faux. Claire, en plus, c'est vrai, pour l'instant ouais. C'était un sans faute au niveau de la nullité. Hein. Ouais, c'est super. Ça commence bien. Tu vois le shooter de poivre derrière hein. Je sens ouais. Qu'il t'attend. Ouais. J'avais prédit. Mais tout n'est pas perdu, puisque il te reste. Ah mais comment on fait parce que... Shifumi. Ah non, il y a possibilité. Ouais, on verra. Il y a égalité. Raconte-moi une histoire. Cette semaine, c'est l'histoire d'un couple de Parisiens qui viennent s'installer dans le Jura, exactement à Beaufort-Orbania, près de Lons-sur-le-Saunier. Ils se prennent une petite maison dans le village, pas dans la prairie, parce qu'il ne faut pas déconner quand même, c'est des Parisiens. Une maison qui était à l'époque un cabinet de médecin. Après, c'est comme tout, normalement, on enlève la devanture et puis c'est réglé. Sauf que des fois, et d'ailleurs, par exemple, chez la maison de ma grand-mère, il y a toujours écrit que ce sont des viticulteurs. Donc, pourtant, ils auraient été en 92. Mais c'est cool, je trouve. Oui, mais ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir des gens qui veulent acheter du vin. Ouais. Tu vois ? Et ben là, c'est pareil. C'était toujours marqué que c'était un cabinet de médecins. Donc, il y a des gens qui se pointent régulièrement pour une petite consultation. Genre, ils arrivent, ils déposent leur manteau sur leur porte-manteau et ils demandent où est la salle d'attente. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? Ah, j'hésite. Tu peux. Moi, je dirais faux. Je dis vrai. Attends. Faux pour Ahmed. Je dis vrai. Tu dis vrai, Anaïs ? Moi, je dis faux. Ouais, moi, je dirais faux. Attends, et qui c'est le con qui laisse une pancarte de docteur, quoi ? Oui, bah, y en a bout qui d'un sont moment, cons, hein, c'est la vie. Hein ? Ou sinon, je me dis, ça peut être tellement nul que ça peut être vrai aussi. C'était vrai. Ok, waouh! Dis donc, tu es super forte à ce jeu! J'ai un son. Tu es aussi bonne que pour question pour un concon! Tu as remarqué? Mais normalement, on n'a pas la chance du débutant? Eh bah, si, normalement! Bah, moi, ça marche pas! Tu nous as menti en fait, t'as déjà fait de la radio! Sauf que dans la chance du débutant, tu gagnes! Là, elle a perdu, Claire! C'est quoi ton? Alors, ça veut dire que, tu vois, normalement, dans question pour un concon, bah, il n'y avait pas d'enjeu, si ce n'est que tu repartais brocouille. Là, il y a un enjeu, c'est de boire un petit shooter de poivre. Il y a de l'eau, hein, quand même, à l'intérieur. Oui, bah oui, parce qu'avaler du poivre comme ça, il y a plus d'eau que de poivre. Est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup ? Non, il y a un shooter, en vrai. Voilà. Alors, si non, mais le poivre dans le shooter. Oui, parce que si tu mets une goutte d'eau avec 10 litres d'eau... Oui, c'est ça. Il y a un peu de poivre. Et il okay. Y a un peu d'eau. Suffisamment pour que ça pique, tu vois. Alors attends, je suis désolé parce que si vous voulez voir cette prouesse technique, il va falloir regarder le Twitch, sauf que ça arrête pas de bugger. J'espère que ça va fonctionner. Je vais relancer. J'espère pour toi que tu n'as pas des hémorroïdes. Non. Quel rapport ? Non, bah, ça... poivre épicé, vite, hémorroïdes, boule au cul, t'as mal au cul. Hein. Ouais. Il paraît. Ok, je ne connaissais pas. Tu connais pas les hémorroïdes ? Bah, j'ai jamais pratiqué. Mais c'est en gros quand tu manges trop épicé ou trop d'alcool ou trop machin, bah ouais. Tu as une boule au cul et ça t'empêche de marcher. Ça fait très mal apparemment. Oui, d'accord. Écoute, Théo se prépare avec le shooter. Ah, c'est super. En plus, je vais être filmé. Bah oui, c'est encore plus joli. Quand encore tu es filmé, plus gênant. Je vais être gênée. Pour ta première, franchement, elle est gâtée, Claire. Théo est tout content avec son verre. Hein. Il l'a préparé avec amour. Elle est contente en plus. Fais voir. C'est la moitié du verre. Je sais pas, je bois pas. Il a rempli la moitié du verre. Alors, je bois pas d'alcool, moi, donc je peux pas te dire. Mais oui, un shooter, c'est la moitié de ça. Il y en a un. Non, mais bois une gorgée, t'es fou, toi. Bon, alors une gorgée. Un shooter, ça doit remplir dans une gorgée. D'accord, alors c'est parti. Vas-y, et toi, je te demande pas un verre de punch, tu me sers un verre. Heureusement que c'est pas toi qui l'as eu. Vas-y. Une bonne gorgée. C'est bon. En vrai, ça doit pas être trop mauvais. C'est bon. Mais ouais, je suis sûre, ça doit pas être parce mauvais. Parce que le poivre, il est tout au fond. Non, ça, en vrai. Ça flotte, mais. Donc tu peux tout boire en fait. Non, on va peut-être pas abuser. Non, mais je sais pas, elle avait l'air bien partie. Moi, je me dis, allez, vas-y, c'est bon, on y va. Hein. Non, mais en vrai, ouais, moi aussi, ça m'aurait bien tiré. D'accord. Attiré. Ah, pardon. Okay. Ouais, ça a pas l'air d'être. Et ben, de l'eau poivrée, c'est une nouvelle c'est sorte de boisson qui va cartonner en soirée. Et ben, on va ouvrir un si trouve, bar on a lancé à eau poivrée. Ouais, on a lancé le truc si ça se trouve. Ouais, c'est ça. C'est, ben, de toute façon, on est lanceur de beaucoup de choses. Lanceur de musique, par exemple. Ouais. Ouais. Mozambo, comme tu as indiqué tout à l'heure. Oui. Music sounds better with you. Et juste après, on résout l'enquête. Actu solide sur Indestar. Pourquoi il n'y a plus rien? Je sais pas, parce que tu veux pas qu'on mette de musique. Mais non. Oui, en ce moment, t'es nul. Il y a une coupure des droits d'auteur. Non, t'es mytho. Ça va. En ce moment, t'es nul. Je me suis pas trompée la semaine dernière. Tu leur sortiras ça, Amel, à un moment donné, quand elle se planterait, quand elle va dire... Ce soir, est-ce que tu peux me la renvoyer pour que je rigole? De quoi, le bug que t'as fait tout à l'heure à 21h15? Il était... Faudra réécouter ton podcast. Tu l'as noté en plus? Non, je sais pas, c'était aux environs d'eux. Non, mais tu me l'envoies sur... Non, mais tu réécouteras Un podcast, et voilà, exactement, tu feras comme tout le monde. Sur Indestar.fr. C'est bon, je le vis en direct. Oui, la flemme, bah j'ai la flemme de me réécouter, ça va. Ça, après, j'entends ma voix dégueulasse, je suis là en mode, oh putain, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment moi. Et oui, ça, je préfère pas toi. Savoir ce que je fais, je préfère oublier. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Enfin, je serais toi, je comprendrais, quoi. D'accord. Non, mais il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de réaction. Non, mais voilà, essaye plus tard. Par contre, ce soir, il y a une enquête. Une enquête qui est importante, de la plus haute importance, parce que c'est important et très très important en même temps. Oui. Une enquête de K2000. Vous connaissez K2000, vous connaissez Kit, la fameuse Pontiac Firebird Trans-Am. Pourquoi tu ne l'as pas celle-ci? Bah parce que. Je suis pauvre. Oui, voilà, c'est ça, parce que je suis pauvre. Non, c'est pas, en vrai, c'est pas hyper cher. Après, quand vous l'achetez, elle est pas transformée en kit. Hein. Mais c'est pas hyper cher, mais par contre, c'est très glouton. C'est-à-dire ah oui, ça boit. Ça boit. Ah, ça boit. Okay. Ah ouais, ok. Et oui, les pièces de rechange, etc., c'est galère. Alors, je dis ça, j'ai une voiture. Les pièces de rechange qui sont introuvables, mais quand même, c'est pas forcément la voiture la plus économique. Mais j'aimerais bien avoir la voiture de K2000. Moi, je veux que la voiture elle me parle, mais pas en mode Google Traduction, là, vraiment en mode K2000. Hé, hey, Mickaël! Hé, hey, Théo! En fait, tu vois. Je suis sûr que tu serais capable en plus. Oh, j'aimerais bien. Flattez-moi, Kit! Ouais, ouais, tout à fait, Théo. Vous êtes le meilleur, Théo. C'est un peu comme Henri avec Mademoiselle Amélie, quoi. Ouais, ouais. Bon, bref, l'idée étant de résoudre cette nouvelle enquête, de faire en sorte de trouver pourquoi, Kit, quand elle arrive près de la centrale nucléaire, elle se met à bugger. Et nous avons deux indices déjà pour le moment. Qui sont? At. Ouais. Et David. D'accord. Ouais. At, c'est le arrobase. Non, c'est at. Ouais, mais... at. Ouais, mais c'est oui, parce que c'est arrobas, c'est en français, mais oui. At, c'est en anglais. Oui, bah. Okay. Ça, oui, bah, ça signifie arrobas. Oui, mais on s'en branle. Allez, retour des années 80. Je me suis dit peut-être que. Non, on s'en branle vraiment. Ça fait plaisir. Oh putain, la vache, il était long ce trajet. Bah, franchement, moi je trouve que ça va. En plus, faut le dire, Mickaël, il a été super sympa de nous amener jusqu'à la centrale. Bon, même si Kit a encore fait des siennes et s'est arrêté juste avant. J'espère quand même qu'on va trouver c'est quoi le problème. Hein. Bonjour monsieur. Oh bonjour, bonjour mes petits loups, ça boum. Ça boum. Et vous êtes venu voir mon beau réacteur? On est censé dire oui ou non là? Je écoutez, sais pas, vous êtes visité l'usine? Ah êtes... non. Ah non. Vous êtes venu pour quoi? Quel est l'objet de votre visite? Ah le temps de réaction. Ah ben on veut savoir pourquoi Kit n'avance plus, a du mal à fonctionner. Ah bah je ne sais pas moi. Pourtant normalement la centrale marche pas trop mal ma foi. Même si en ce moment j'ai l'impression que ça refroidit moins. Ah. Oui. Bon vous allez me dire jusqu'à maintenant il n'y a aucune centrale nucléaire qui a explosé. Ah. Même si Nostradamus prévoit une catastrophe pour 1986. Mais bon, ça devrait être en Europe, donc nous ici en Amérique, on est tranquille. Bon, enfin, on va quand même vérifier ensemble hein, si le réacteur est bien refroidi. Vous prenez des ardoises? Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts à calculer? Oui. Non. Ah, moi je suis nul en calcul, mais oui. Ouais, d'accodac. Peut-être qu'à 3, on y arrivera peut-être. Hein. Alors, oui, pas trop vite. On part sur du N égale C fois V. Donc. Ah, non, mais ça, c'est la formule. Ah, ok. Ah. Alors, 24 fois 3. Pom, pom, pom, pom, pom. Plus 100 de réserve. Attends, je suis déjà abonné à 24 fois 3. Moins le défaussement. Attends, c'est quoi? Ah, on a dit du 24 fois 3. Ok. Plus 100 de réserve. Moins le défaussement, on est sur du 2 fois 24. Oh putain. Moins 2 fois 24? Exactement. Plus 3 de réserve. Ça donne combien ça? Bah laisse-nous réfléchir. Attends, 172 moins 48. 48, putain, je suis nul en calcul. 127 du coup, plus 3. À 127, c'est la bonne réponse, effectivement. Ah, bah bien joué. C'est moi qui l'ai fait de tête. Hein. Ah, merci. Bien joué. Et j'avoue que je regardais sur son ardoise. Hein. Alors, c'est pas terminé, hein, mes petits loups. Hein. C'était quoi là? C'était 127, c'est ça? C'était 127. Ah, oui. Mais nous, on croyait qu'on avait terminé. On s'est dit yes, l'indice. Maintenant, il y a le F203. Eh oui. Alors, 2 fois 3 litres. Putain. Ah oui, en fait, tu vas nous donner des numéros qui fera après la formule. Pas du tout. 2 fois 3 litres. 6. Donc ça fait 2 fois 3. Ouais. Moins les résidus de sable. Oui, parce qu'on a des résidus de sable. Hein. Donc on enlève 1 litre. 5. Plus 856 litres. Et t'as dit combien ? 856 litres. Ah, 50... 861. Trop vite. Plus 1 tonne 6. 862. 1 tonne 6. Ah, pardon. Eh ben, 1 tonne 6, 862,6. Alors. Bah, 1 tonne 866. Oui, mais je veux pas en tonne, moi je veux en litre. Hein. Putain, mais tu me saoules aussi. Imaginez qu'une tonne 6 est 1600 litres, on va dire. Ah ouais, mais attends. Bah oui. 1600. Attends. Ah. Du coup, faut que 861, faut qu'on te le fasse en litres. J'ai pas. Non, c'est 1600 en litres. Vous voulez que je répète peut-être, oui, hein, c'est la dernière fois. 861. Alors 2 fois 3 litres. Ouais. Okay. Donc 6. Moins les résidus de sable, donc on enlève 1 litre. Donc 5. Plus 856 litres. Attends. 861. Plus. Non, 862. Mais non, 861. Plus 1 tonne 6, donc 1600 litres. Ok, donc ça fait. Et eh ben plus 1600. Et eh ben c'est 860 plus 1600. Plus 1600. C'était 866. 2461. T'as l'air d'être la bonne réponse, effectivement. Ah, ah ça a été tendu, hein. Tu m'as dit quoi? On va terminer, si vous non, le voulez non, bien. Non, mais j'ai plus de place. Ah, bah si, on va terminer par le C6H1206. Putain. Ok. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 5. Ah oui, c'est ça. J'ai vraiment noté, quoi. J'ai pas eu le temps de noter, en fait. C'est bien bon, tout ça. Ah là là, que voulez-vous ? Bon, bah, apparemment, les... Oui, oui, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Les problèmes ne viennent pas de chez moi, ça vient pas de la centrale, hein. Par contre, on va s'arrêter là, parce qu'il faut que je rentre chez moi. Je suis un fervent défenseur de votre équipe de football en France. Et je voudrais pas rater les prouesses de Michel Platini, hein. Et puis, vous avez aussi un sacré goal. Allez, comme on dit, à plus dans le bus. Allez. Comment t'écris goal? G-O-A-L. C'est vrai, c'est... Oui, je crois que c'est ça. Vous avez les trois indices? Oui. Vous avez quoi? At David Goal. Ok. David Goal. David at Goal. David at Goal. Alors, est-ce goal que David. Avec ces trois indices, vous arrivez à faire quelque chose? Non. Si, David si. At Goal. Attends. Ouais. Normalement, on est censé trouver un jeu de mots, je pense. Donc, je pense que les trois mots devraient former un mot entier. Ou pas, au moins deux mots qui forment un mot et l'autre qui est un indice. At Goal. Goal. At Goal. Goal. Golat. Golat. Golat. David Golat. Ah, Goliath. David Goliath. Oui. Ah, ah, vous avez quelque chose. David Golat. David Goliath. David et Goliath. David et Goliath, ok. Ouais. Ok, vous connaissez David et Goliath. Ouais, moi, ça me dit quelque chose. Ouais, ça dit moi aussi, mais ça me dit rien. Pas... Bon, alors peut-être que c'est un indice. Ce qui... Après, je sais pas à du quoi coup, ça correspond. On va appeler Devon. Appeler Devon, alors. Ouais, c'est okay. Ce qu'il y a à faire. Bonsoir, je suis Devon Miles. Vous êtes à la Fondation pour la Loi et le Gouvernement. Que puis-je pour vous? Vous avez une belle voix. Normal, je suis Devon Miles. Ah. on pense avoir trouvé. Qu'est-ce qui... Ah, vous êtes les Actus Solites. Ouais. Je vous reconnais, oui, oui. C'est ma belle voix qui vous fait. Vous avez trouvé les indices? Oui. Alors dites-nous. Alors on a hâte. David Goliath. David et Goliath. David et Goliath. David Goliath ou David et Goliath? David et Goliath. Je crois. Mais oui, mais bien sûr. Mais Goliath! Goliath, c'est encore ce chenapant de Gat Nice, le fils du fondateur de Kit, jaloux de la nouvelle apparence de Michael qui nous joue un mauvais tour. Le fameux Goliath, le camion qu'il a créé, que vous pouvez retrouver dans les différents épisodes de la série, évidemment. Grâce à votre enquête fidèle... je sais pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est grâce à votre enquête, nous allons enfin pouvoir déjouer les pièges électro-perturbateurs et tourner le 91e épisode de Kit. Cool. Oui, oui. En tous les cas, la Fondation vous remercie. Et on a droit à une petite part sur l'argent que vous faites sur la série. Non, par contre, Michael me dit qu'il attend votre coup de fil. Sûrement pour vous remercier en nature, j'imagine. C'est une personne très polie. Je vais avoir son numéro, moi. Je pense qu'il vous a donné sa carte, mais n'hésitez pas à l'appeler. Oui, il nous a donné sa carte tout à l'heure. Oui, en double, je crois. Ah, oui. Eh bien, merci beaucoup. Bah, je vous et à prie. Bientôt dans le futur, si non, je ne suis pas mort. Parce que... À bientôt. Merci. Est-ce qu'on a une petite musique de la victoire? Oui, la victoire. On a gagné, mais oui, putain, oui, super. Génial. Un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Allez. Le chevalier et sa monture. Michael Knight roule vers de nouvelles aventures. C'est le générique de fin normalement. Okay. Je le connais par cœur. Mais bien sûr, j'ai vu tous les épisodes. Et bah encore enfin, sauf le 91ème, je l'attends. Et bah, encore une victoire. Bah, grâce à nous, on pourra le voir. Solide, ouais. Grâce à vous, c'est vrai. Je dois reconnaître que vous continuez mon enfance. Ah, nickel. Ça me fait plaisir. Plaisir partagé. Ouais. Oui, surtout que toi, ton enfance, elle remonte à loin quand même. Bah, elle remonte à peu près. Toi aussi, t'as fait un bond dans le temps. Ah oui, mais j'ai eu l'impression de revivre les années 80, ça me fait plaisir. Voilà, voilà. Non, moi j'ai vu plutôt dans les années 90 qu'à 2000. Parce que c'était diffusé, rediffusé, rediffusé sur toutes les chaînes de télé. Et oui, ça, c'est là depuis quand qu'à 2000? Bah, je crois que c'est sorti en 82, ah ouais. Il me semble, la série. Mais c'est pas si vieux que ça en fait. Non, hein. Non, mais 82, genre 82, 85 ou 86. Et ça a été après diffusé à la télé française, genre 86, 87 par là. Parce qu'au début, c'était quoi? Bah, c'était aux États-Unis. Okay. C'est une série américaine, hein, Academy. Mmh. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la voix de Kit, qui nous, en France, est vachement naturelle, elle fait pas trop robot. On ouais. entend que ça vient d'un ouais. ordinateur, mais c'est pas trop robot. En Amérique, elle a été faite version robot, vraiment. Et quand ils ont fait la version française, ils se sont dit « Ah, je suis pas sûr que ça marchera comme ça, on va la faire plutôt en version humaine, tu vois. » Et pourquoi? Bah parce que notre attachement à Kit, on s'est oui, dit si c'est un robot. C'est pas féminin plus Kit. Ah non, elle est masculine. Enfin, la voix est masculine. Ouais. Okay. Oui, parce que Kit, ça veut dire. Oh, j'ai plus le truc, mais c'est KITT, c'est un Knight Industry 2000, quelque chose comme ça. Pour ça que c'est K2000. Ok. Voilà. J'ai toutes les infos. Hein, si vous voulez. Et Devon Miles, malheureusement, en 2022, il est mort. Hein. Ah. Il est mort à fin des années 90, je crois. Ouais. Donc quand il dit à bientôt dans le futur, si je suis vivant, malheureusement, c'est pas le cas. Ah non. Donc il le verra jamais, quoi. Bah, il pourra jamais écouter Actu Solite. Oh, c'est triste. Ah. C'est triste. Hein. Il rate un j'ai envie de pleurer. Ouais, bah oui, je comprends. Ah ouais, faut pas parler de ça, nous on pleure quand il y a des morts. Bah, c'est vrai qu'en plus, terminer sur ça. Par contre, on termine à l'heure pratiquement, 23h. Oui, non, mais attends, d'abord, je présente ce qui va se passer dans la semaine. Qu'est-ce qui va se passer dans la semaine? Et ben demain, PK Avenger. PK Avenger. Ils sont vraiment très beaux. Pas tous, hein, mais on dira pas lesquels. Mais même tous. Tu veux savoir ce qui va se passer dans Actus, dans PK? Oui. Alors, dans PK, c'est les tyrans et les gangsters. Ah. Voilà. Donc, Lucky Luke. Peut-être. Je sais que Kevin va parler de Kira dans Death Note. Tu connais Death Note? Je crois que j'avais regardé un épisode. Ah oui, tu connais Death Note? Ça me dit un truc. Ok. J'avais regardé un épisode. C'est un livre où tu peux tuer des personnes, tu mets leur prénom, c'est ça, et puis ils meurent. Ouais, je crois que c'est un. Ne me regarde pas. Vraiment, je ne sais pas. Ça, ouais. Non, oui, je crois que c'est ça où tu peux noter des prénoms et. Mais c'est pas une série ça? Et ils meurent. Bah si, je crois que t'as en série, mais t'as le film aussi. Ouais, je crois que j'ai Tout, voilà. Ouais, tout un univers Death Note. Il y aura un karaoké aussi. Quoi? Parce qu'ils font comme nous. Ouais, grave. Ils chantent. Pierre, je vais les appeler demain. On va voir si c'est aussi beau que nous ou pas. Je ne pense pas. Les curiosités historiques et étymologiques du mot tyran. Ouf. Ça, devinez qui fait. Thierry, oui, voilà. Tu peux t'arrêter. Et il y aura aussi plein d'autres choses à suivre dès 21h demain. Et bien sûr, il y aura Thierry, Teddy, Kevin, Daniel, Linda. Linda sera là demain. Linda sera là demain, ouais. Et le lundi, enfin, comme tous les lundis. Peut-être pas en fait. Comme tous les lundis, Starter. Ah, c'est vrai. Bah, Starter de 21h à 23h, bah oui. Évidemment. Vous êtes que deux, non, donc forcément. Tu veux savoir ce qu'il y aura dans Starter? Non, c'est pas 23h. Non, c'est 22h. Non, c'est 22h un peu plus quand même. Ah putain, j'étais pas. On va dire 22h30. Voilà. D'ailleurs, Claire, t'étais là lundi. T'as suivi un bout de l'émission. Oui, je suis arrivée. Bah, on parlait de ta voiture d'ailleurs. La Nissan Stanza. Ouais, c'est ça. Et il parle toujours de ta voiture. Il parlait d'un accident. Enfin, pas d'un accident, mais si, un peu une panne. Ah ouais. Sur l'autoroute, ouais. Quand je suis arrivée. Avec des pneus encore. Non, ça c'était avec le camion quand on était chercher la Stanza. Juste une petite panne d'essuie-glace et deux voyants moteurs. Ça va, pour un camion de location, ça va, c'est rien de grave. Il a été bien au contrôle technique, hein, le camion. Ouais, bah, j'imagine. On va parler du parcours d'André Citroën, le fondateur de la marque Citroën. Citroën, oui, je me doute bien. D'ailleurs. C'est tellement rembarrant cette histoire. Non, pour histoire de Citroën, là, vite fait, j'ai le temps. Pour une fois qu'on finit à l'heure. Et ben, vous savez, j'étais chercher du tabac à côté de chez moi. Mm-hmm. Et en fait, il y avait un petit parking. Et une dame, en fait, elle conduisait un gros Citroën Jumper. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est dans le temps là. Ils font 10 mètres de long, le bordel là. Ouais. Et la meuf, elle essayait de se garer en créneau. Sauf qu'elle me fait vas-y passe. Je fais non vas-y passe, je vais te regarder te garer quand même. C'était magnifique. Et en fait elle recule, mais en fait il y avait des conteneurs à verre. Ah ouais. Et je la vois reculer. Je fais putain la con. Mais tu vois rien dans un jumper en plus. Mais elle a foncé dedans, laisse tomber. Elle m'a regardé en mode oups. Bah au moment tu les as bien calés de l'autre côté là, ils viennent pas sur le parking. C'était une collègue? Non mais je la connaissais pas. Ah tu la connaissais pas? Mais non, j'étais chercher mes cigarettes vers 18h. Ah d'accord. Et mais je te jure, le temps que je me gare, elle était déjà en train de se garer. Mm-hmm. Tant que je me gare, j'allais chercher mes clopes, elle venait juste d'aller chercher les siennes. Donc elle a dû galérer au moins 10 bonnes minutes à se garer. Ah oui. Ouais. Bah alors après. C'est chiant pour elle. Fin... Ah ouais, mais je te jure, c'est un monstre le bordel, oui. Le jumper. Là, j'avoue c'est que c'est, ouais. C'est plus compréhensible. Je vois pas trop à quoi ça ressemble. C'est un fourgon. Ok, voilà. Oui. Mais en fait, je comprends pourquoi il y avait une sorte de. Un peu, tu sais, une grosse marche qu'ils avaient mis au niveau du cul du camion. Ah, c'est pour foncer, ouais. Et dire ah, maintenant stop. C'est le radar de recul à l'ancienne, tu vois. Mais j'aurais pas aimé me la prendre dans la voiture quand même. Non, mais on est d'accord. Mais bon, tu vois, des fois, t'as des vidéos où tu vois des voitures, genre ils ont des citadines et ils mettent 10 ans pour se garer. Ouais. Là, tu rigoles. Bon, avec un jumper, ça y est, allez, tu mais comprends. Mais limite, ça m'a fait de la peine, j'étais bah là oui, en mode. T'as envie d'aider. Tu veux que je le garde, ton non, camion. Non, faut pas que je le garde, ton camion. Toi aussi, tu vas utiliser le radar de recul. Ah, bah moi aussi, ça va aller loin. Ouais. Hein, lancer les conteneurs plus loin. Et pour que ça puisse bouger un conteneur à verre. À verre. Je sais pas si c'est hyper lourd. Enfin, ça dépend s'il est chargé ou pas. Hein. Ah, oui. Ça dépend. Ouais. Je pense. Sinon, c'est un truc en plastique, hein, tu sais. Oui, c'est vrai. La semaine prochaine, on est de retour à partir de 21h dans Actus Solide sur Indestar, évidemment. Et nous, on parle de je sais pas quoi parce qu'on fait jamais nos émissions à l'avance. Bah si, bah je peux te dire de quoi on va parler la semaine prochaine. Bah vas-y. Le thème de l'enquête. Connais pas. Doom. Doom. Doom. Doom. Doom. Doom. Oh, dis, c'est pas avec des monstres là. Ah, peut-être que ça sera pas Doom du coup. C'est le projet. Mais pourquoi déjà t'as noté Doom? Mais je sais pas parce que vous avez mais choisi. Non, non, non, moi j'ai jamais choisi. Hein. On choisit nos enquêtes quand même. Attends. Non, non, non, c'est toi qui les choisis. Hein. Non, alors c'est pas. Moi c'est avec vos goûts. Écoute, Antoine, si tu te rappelles, tu nous appelles. C'est ça. On sera dans la ville la semaine prochaine. C'est bien la ville, hein? La ville? Ouais, la ville, c'est bien. Il y a plein de choses dans la ville. Il y a des commerces, il y a des habitations, il y a des enquêtes, il y a des meurtres, tout ça. Il y a des personnes. Et il y a des personnes. Ouais. Ouais. Y a des gens. À part s'il y a des zombies. Oui, à part s'il y a des zombies. Ouais, alors là, c'est bah, comment c'est le film avec Will Smith? Ah, je suis une légende. Je suis une légende, voilà. Le mec, oh c'est non, je chiale. Moi, j'ai pleuré avec le chien. Ouais. Ah, je crois moi. Que ce film-là, on l'a regardé, re-regardé, ah, re-regardé. Ah non, j'ai vu qu'une fois, moi, ah, ça me suffit. Hein, ça... Bah, moi, autant pourtant, des j'adore fois, Will Smith. Hein. Mais autant des fois, j'aime pas regarder des films, je déteste. Genre, quand tu regardes une série, je vois pas l'intérêt de la regarder 10 fois comme Anaïs, tu vois. Parce qu'Anaïs, à chaque fois. Par cas 2000. Non, mais je te jure qu'Anaïs, il peut y avoir 10 saisons, c'est ça qu'on dit. 10 saisons dans une série. S'il y en a une qui sort, oui. Et bah va te remater encore toutes les séries. Bah, c'est normal, attends, regarde. Pour se remettre dedans. Ah, là, j'ai regardé par exemple Lucifer il y a très longtemps. Ouais. Et là, il y a la dernière saison qui est sortie, j'ai déjà même pas regardé l'avant-dernière. Et là, je me dis que je me souviens pas de la suite, enfin du début. Ah oui, donc forcément, tu re-regardes. Ouais, ok. Sauf qu'entre temps, j'ai commencé d'autres séries. Donc, ouais. Bah, moi, ça dépend des séries. Genre, bah, je parlais de K2000, mais bon, ces petites séries-là où t'as des épisodes qui sont presque indépendants, ouais. MacGyver, K2000, enfin tous ouais, ces bons épisodes, bon, tu peux regarder, enfin pas souvent, mais. Ça suive un peu quand même, faut faire attention. Ouais, très peu. Oui, mais on va dire au bout de 5 ans, tu peux. Voilà. Alors que par contre, tu vois, par exemple, Michael Scofield, je sais qu'il va s'évader de prison. Ouais, c'est donc, pour regarder Prison Break, si tu veux. En fait, tu sais que c'est la même chose. Genre, ah, pardon, moi, je t'ai spoilé la fin. Ça me dérange pas, j'aime bien être spoilé. D'accord, mais la première saison, je crois, la première et deuxième saison, je croyais pas mal. Tu vois, quand il s'évade, machin, ah, c'est oui, pas ah, mais il s'évade à chaque fois, de toute façon, après, à chaque saison, après, il s'évade. C'est la même chose en fait, t'as l'impression de revoir la même chose. T'as l'impression de revoir la série 1, la saison 1, et en fait, la saison 4. Vraiment, je le regarde, vraiment, c'est pour lui. Ah, pour Michael Scofield. Ah ouais. Non, mais je rappelle qu'il y a quelques semaines, tu l'as aidé à sortir de prison, quoi. Ouais. Enfin, pas aidé à sortir de prison, mais tu l'as aidé dans son enquête. Ouais. Mais il est gay. Ah bon? Bah oui. Bah, je savais pas. Les c'est... boules. C'est toujours comme ça. Non, même pas. Attends, c'est qui? Michael Scofield dans Prison Break, le héros. Ah oui. Et bah, ouais. Il est gay. Moi, j'ai même pas regardé cette série. T'es vrai? Je crois que c'est pas Miller Van Vorten, je sais pas quoi. Je sais pas. Regarde la saison 1. La saison 2, pourquoi pas, après ouais. Arrête. Ouais, je crois que j'ai vu le premier épisode. Ouais. Ah. C'est écoute, pas mal. C'est déjà mieux que rien. Hein. C'est vrai. J'ai fait ça avec certaines séries, mais c'est vrai que j'ai pas regardé la suite parce que je m'étais endormi devant le premier épisode. Bah, c'est donc. Ça, ouais, ouais. Ça devait être un truc comme mais ça. Mais Michael Scofield, enfin Prison Break, ouais, la saison 1, quand t'es pris, t'en regardes 2-3 épisodes, après t'es pris dans le truc, ouais. T'as envie de connaître la fin de la saison, ouais, en tout cas, ouais, ouais. Et je te dis, la saison 2 vaut le coup aussi, après. Ouais, franchement, la 3 et la 4, je crois que ça va être la 4. Je crois que je l'ai regardé genre par dépit en fait, genre en mode je veux savoir ce qui se passe, mais. Mais tu connais la suite. Pitié. Ouais, c'est ça. Et puis ils ont fait des économies de budget aussi dans la saison 3 qu'ils ont dû raccourcir à cause de grève du cinéma, etc. Ah ouais, donc, d'accord. Mais bonne série à la base. Moi, je me rappelle, j'étais en BTS à l'époque. Ça y est, posez vos micros. Nostalgie. J'étais en BTS à l'époque et c'était une période où j'avais la télé encore. C'est la dernière fois que j'ai eu la télé de ma vie. Et toutes les semaines, il y avait un épisode de Prison Break. Je crois que c'était le jeudi soir et on attendait l'épisode de Prison Break et on. Ah, c'était vraiment l'événement du jeudi soir. Voilà, fin de l'anecdote. C'est tout. T'es sérieux? Je m'attendais à un truc de fou. Y a rien. C'est juste pour nous dire, bah jeudi soir, je regardais ça. Vraiment, c'était juste le jeudi soir. C'était voilà la messe du jeudi soir, quoi. Voilà. Ouais. Super. Bon, mais et ben sur ce. Ouais, on va peut-être y aller. Au bout d'un on moment, va peut-être y aller. Hein. Parce qu'on dit qu'on finit tôt, mais au final, c'est plus le cas. Ah, hein. Écoutons Joachim Carold avec Rock Angel sur Indestar. Je prononce bien. Et nous, on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine et bonne soirée. Merci Claire d'être venue. Tu reviens quand tu veux. On t'attend toutes les semaines. Voilà. Bah ouais. Grave. C'était trop cool. Merci. À bientôt. Salut. Ciao, Annie. Salut. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.